Le vrai sel de Michael et sa bande de malades. Je veux Michael. Non. Michael. Michael. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez... Bon, ça commence bien, c'est moi qui baille. Ça y est, on est au taquet là, ça va. Je tire ma mâchoire. Oui, bah pour mieux dire de conneries. Pour faire quoi ? Voilà, pour dire plus... Ah, ça, après je sais pas ce qu'elle va faire après. Mais je ne sais pas, pas encore, je n'ai rien prévu. Très bien, bon, toi va bien ? Toi va bien. La rousse aussi. Tu m'emmerdes avec ce son. Mais oui, mais c'est le Fantabuzzer, j'aime bien. Vivement samedi. Ah, franchement, j'aime bien saouler les gens avec ça. Ah, oui, oui, bah, ça je te confirme. Bon, vivement samedi, donc, qu'il n'y ait plus ce problème de bruitage. Bref, donc, tout ça pour vous dire qu'avec un petit signal, vous pouvez repartir avec un iPad. Voilà, c'est. Donc, la fois où je l'ai mis, je peux pas en avoir. Non. En exclusivité totale, vous chopez un iPad. D'ailleurs, il y a eu un beau poisson d'avril au niveau de l'iPad aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu ça sur un site d'info. Hein? C'était pour l'iPad pour les vieux. Ah non, pas du tout. Ah, c'est pas ça, moi j'ai vu ça. Encore que, connaissant le pays, enfin le pays, on n'est pas à l'abri que ce soit vrai, mais moi je pense que c'est un poisson d'avril. C'est, j'ai vu ça sur un site d'info style Le Parisien, mais au Luxembourg. Ouais. Genre, l'État va donner un iPad à tous les habitants du Luxembourg. Bon, en même temps, ils sont 5, donc ça ira vite. Ouais, enfin, ils sont 5, ça va quoi. Quand il faut payer 500€ la pièce, même si t'es 5, ça fait très cher quand même. Ouais, ils ont les mais moyens. Mais c'est ce que je dis, on n'est pas à l'abri que ce soit vrai, cette connerie encore. Hein. Les connaissants là-bas. C'est le cadeau de l'État. Hein. Ouais, c'est ça, le cadeau de l'État. Plutôt, ouais. Plutôt que de t'envoyer un chèque pour te dire, bon, allez, on va vous rembourser les impôts. Bah, quels impôts? Ah, il paye un peu là-bas. Ouais, bah alors vraiment un peu, hein. Tout petit peu. Hein. Enfin bon. Bon, Alice au pays des nerfs, il y en aura encore des jeux vidéo sur DS à vous filer. On a également All City ce soir avec deux places pour le séjour pour aller voir All City en VIP à Londres. Ça se passera tout à l'heure dès que vous entendrez All City. Si vous l'entendez, si vous l'entendez pas, on trouvera un autre jeu, tout simplement. On trouvera un autre jeu, je pense. Ah, on va trouver un autre jeu, bon, bah, très bien. Bon, bah, on fera un tirage de sort tout à l'heure. Vous pouvez vous inscrire bah, dès maintenant, du coup, 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez City avec vos coordonnées complètes. On tirera au sort. Donc, on a des places pour l'Inox Festival qui aura lieu à Toulouse du 6 au 9 mai. Deux places en VIP pour assister à l'Inox Festival avec le transport, l'hôtel, les restos, le carré VIP, tout ça pour les 4 soirs, ce qui n'est pas négligeable. On a également des chapitres de Twilight qui sortira qui est sorti depuis le 24 mars avec 5 DVD édition simple, des éditions collector en double DVD avec Tentation plus bonus et puis 5 coffrets DVD Twilight chapitre 1 et 2, Fascination et Tentation à gagner donc ce soir. Vous savez tout, on fera un petit chéri, je te fais cocu tout à l'heure, comme tous les soirs également. D'ailleurs, pour vous inscrire, n'hésitez pas, 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez cocu ou GAV en fonction du jeu que vous voulez faire. Et puis, puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout. Ah oui, on parlera des poissons d'avril aussi aujourd'hui. Oui. Ouais, on n'en fera pas. C'est Blair. Voilà, on a décidé de se mettre en opposition. Ouais, exactement. Par contre, on vous fera un petit best-of de tous les poissons d'avril. Je peux démarrer par une histoire belge. Ah, vas-y. Allez, vas-y. Ouais, bon, alors, une histoire belge d'un poisson d'avril qui a eu lieu aujourd'hui. Et beaucoup y ont cru, c'est ça qui est grave. C'est, je sais plus comment il s'appelle, le ministre de je sais pas quoi, là, bref, pour les excès de vitesse, la route, les autoroutes, tout le bordel, qui a décidé d'essayer de faire passer une loi, à partir de 2011, qui forcerait les automobilistes qui rouleraient trop vite à ne plus devoir payer des PV ou des amendes, quoi, mais par contre devoir reboucher les trous de la route, travaux publics, quoi. Ah ouais, voilà. Moi j'avais vu une autre où ils allaient demander à l'armée en fait de commencer à reboucher les trous parce qu'il n'y avait plus assez de travaux publics. Ah oui, c'est ça, voilà. Et donc du coup, voilà, il y en a qui ont cru, c'est quand même dramatique. Moi j'ai vu une info, j'étais persuadé que c'était un poisson d'avril et pas du tout. C'est la Fédération Française de Football qui a décidé de proposer une sanction pour le PSG. Ah, spécial PSG, juste pour le PSG. Non, pour la banderole. Ah, il y a 15 ans. Non, c'était pas il y a 15 ans. Attends, c'était il y a 2 ans. Ouais, mais ce qui est... Oui, non, en fait, ce qui est, c'est quoi, les ch'tis là. Ouais. Putain, ils sentent que vous allez arriver en finale. Ah, mais attends, c'était en Coupe de la Ligue. Et là, on va arriver en finale de la Coupe de France. Ah, oui, d'accord, ok. Je sais pas pourquoi, 2 ans après, les mecs, ils... Bah, mieux vaut tard que jamais. Ils ont été sanctionnés pour ça. Mais oui, ils ont déjà été sanctionnés. Mieux vaut tard que jamais. Bon, et puis il y a un petit c'est qui aussi ce soir. Allez, hop, on fait péter ça maintenant. Écoutez, à votre avis, c'est qui, justement? Va faire la chouille, sans un métro en fouille. Pas besoin de nier pour aller s'éclater. Car quand on fait la chouille, les maillots les mouillent. Les cheveux en pétard. C'est nouveau, hein, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau, c'est pour rire, quoi. Non, t'as pas le choix. Non. Non, c'est pour rire. Ah, si, c'est un. Je te dis que c'est pas pour rire. Et si. Non, je te dis que c'est pas pour rire, c'est du sérieux. Non, mais c'est comme Félicien quand il était sorti de Love Story, il avait fait Kung Kung Mania, c'est pour rigoler. Oui, pas une chanson à texte, c'est sûr. Mais ouais. Là, c'est pas pour rigoler. Mais Kung Kung Mania, il s'était fait du blé avec, hein, grave. En plus. Non, c'est pas possible. A votre avis, c'est qui donc, c'est, si une vous merde. Avez... c'est une merde qui chante. A votre avis, c'est qui? Il s'en sort mieux que d'autres qu'on a fait écouter, je trouve. Hein. Qui sentait de Secret Story et tout, voix, là. Ouais. La voix, oui, mais la musique. Ouais, à choisir entre Émilie et lui, je préfère lui. Ouais, c'était plus drôle, faut voir. Bon, si vous avez une idée, c'est qui, justement, donc dites-nous, on vous file les cadeaux, évidemment. 612, débutez votre message par énergie avec votre numéro de téléphone et puis la réponse. Et puis sur le groupe Facebook également, mikael.fr, en cliquant sur la communauté, il y a Rebecca qui dit, je sais pas, mais c'est de la merde. Oui. Amélie ça, qui ça, dit, sait, ouais. Il y a moyen de vous écouter en République Tchèque. Bah oui, par Internet. Ouais, parce que là, sinon, en FM, ça va être compliqué. Il y a Laurent qui dit aussi, pété de rire, c'est trop pour moi, c'est nul à chier. C'est quoi cette zérique? C'est Andrea qui dit ça. Donc, oui, bah, c'est... Le but, c'est de la trouver. Et le concept, c'est de la trouver, effectivement. Donc voilà, vous savez qui est connecté sur amical.fr. Venez donc. Et puis, on va s'écouter également le répondeur 01 40 71 3400. Avant-dernière chance pour vous. Je rappelle que si demain il est pourri, on le pêche. Donc, on écoute ce soir. Écoutons. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Oui, on en a marre de dédicaces. Ils vont pas faire des big up à toute la semaine. Fin du message. Message suivant. Sandra, ce sera où c'est ta fête. J'ai rien à t'offrir, mais t'inquiète, je vais faire la quête à l'église. Je suis un beau rien, mais je peux rien. Bonne fête quand même. À plus, salut tout le monde. Fin du message. Message suivant. Bonjour à tous. Je voulais juste vous dire merci parce que je me marre à chaque fois que j'écoute votre émission. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Et voilà. Donc bah, gros bisous. À bientôt, peut-être. Au revoir. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut Mickaël et toute l'équipe. J'ai appris que vous allez peut-être supprimer le répondeur. Alors je vais vous laisser un message qui va vous en dissuader. Je voulais déposer un gros coup de gueule parce que le roux commence à me saouler avec son putain de portable-buzzer. Message suivant. Oui, bonjour, c'est Monsieur Le Pen. Comment se fait-il que ce Monsieur Sarkozy de Meudeux puisse vous copier chaque soir? Comment fait-il que le pauvre Monsieur Le Pen ne soit pas là? Oui. Je vais demander à mon copain Dieudonné qui vient vous botter le cul comme un bon citoyen. Il y a encore du travail, il vous dit. Bah vous voyez là tout ça? Non. Non, ouais, mais d'un autre côté, je tiens quand même à souligner le gros effort. On est le 1er avril, il n'y a pas eu une seule blague. Oui, c'est vrai. Il est vrai, il est vrai. Mais cela n'excuse pas tout. Hein. Donc, Il y avait la recherche dans le poème pour Sandro. Il y avait peut-être un peu la recherche. Mais vraiment. Si, il avait cherché un peu. Ouais. Il y avait des rimes. Bah, on speed alors. Ouais. Bon, bref, tout ça pour dire que donc demain, c'est le dernier jour pour tenter de re-sauver ce répondeur-là. Puisque, en fait, c'est dingue, c'est à chaque fois que je mets un ultimatum, le jour de l'ultimatum, ça passe. Et après, tout le reste du temps, c'est comme des gosses, des sales gosses. Et ils savent que le prof, il a le dos tourné, ils font n'importe quoi. Et le jour où t'as une grosse pression, hop là, tout le monde est là, tout le monde fait comme il faut. Est-ce que pour voir, tu veux qu'on écoute celui d'hier qu'on a zappé? Peut-être personne, tout à l'heure, peut-être tout à l'heure. Non, peut-être pas. Non, voilà, c'est peut-être pas non plus indispensable. Hein. C'est vraiment pas indispensable, j'ai envie de dire même. Bon, ce soir, on mettra du son Cheryl Cole. On aura également le son de Stromae avec Alors on danse. Il y aura bien sûr Pony Pony Run Run avec AU. Le live, si on veut, ouais, par exemple. Il y aura Example, il y aura du son Rock US également. Lady Gaga avec Beyoncé pour téléphone. Et peut-être qu'on mettra la nouvelle parodie de l'émission. Si vous voulez l'entendre ce soir, n'hésitez pas à nous le dire. 612 par SMS, début. Mettez par énergie votre message pour qu'on les reçoive, ou alors sur amical.fr dans la communauté. Et on va démarrer directement, ça fera plaisir à plus d'une. Justin Bieber maintenant, qui était passé nous voir, photos et vidéos à mater sur amical.fr, c'est Baby sur énergie. Oh, oh, oh, oh, oh. Il est parti en l'occurrence, mais quand il était passé, il avait chanté en direct. On remettra d'ailleurs à l'occasion la version live, comme ça vous pourrez la réécouter pour ceux qui n'étaient pas là. Ça se passe en tout cas sur mikael.fr si vous voulez revoir le moment où il a chanté, et puis surtout si vous voulez aller mater les photos. On parle dans un petit instant des meilleurs poissons d'avril, enfin meilleurs ou des pires, à voir. Non, en tout cas, des poissons d'avril qui ont eu lieu aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est justement le 1er avril. Et au niveau du 1er avril, d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle pour ce soir, aucune pub pendant toute l'émission. C'est bien 1er avril. Voilà, c'est drôle, hein. Oui. Pa-pa-ra-pa-pa. Et là, il aurait pu faire son bruitage de merde, mais non. Pas là, il a pas fait parce qu'il est pas là. Voilà. Bon, allez, on va passer au. Faut jeter. Allez. Allez, faut jeter. Ah bah non. Oh. Bah non, il est 21h45 secondes. Ouais, et bah, au moins là, à 30 secondes, parce que sinon c'est pas l'heure rond. Mais qu'est-ce qu'on s'en fait? Mais le gars, il est blindé de 21h12, 26. Va consulter, 27, hein. 28, 29. Allez, c'est parti. Nous sommes le jeudi 1er avril. Bonsoir à tous. Politique. À propos du bouclier fiscal, Nicolas Sarkozy refuse de céder à la pression. Jean-Louis Borloo, lui, a déclaré qu'une bonne pression, ça faisait pas de mal. France, un adolescent fauché. Ouais, bah il a qu'à bosser. Hein. Par une voiture, a été hospitalisé. Désolé. Événement. Oui, il y a quelques jours a eu lieu la fermeture d'une des plus grandes décharges de France. C'est dommage, Marseille venait de gagner la Coupe de la Ligue. D'hiver. Du 25 au 29 mars 2010 avait lieu le salon du véhicule d'occasion. L'attraction de ce salon était la présence de Loana, qui a d'ailleurs failli passer à la casse cette semaine. Religion. La question que tout le monde se pose en ce moment est pourquoi l'église a fermé les yeux? Sûrement pour pas s'en prendre plein la gueule. Oh, j'ai adoré la dernière. Ouais. On peut taire les rieurs. Il y avait le fauché aussi, hein, qui était dur. Hein. Ouais, le fauché était dur quand même. Enfin, bon. C'était donc le faugité. Ouais. Voilà. Rien à voir avec le 1er avril. On fait ça toutes les semaines. Donc, vous emmerdez pas à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Le portugais, mal parti. On va qu'est-ce avoir des problèmes. Oh merde, zéro. Putain. Connard d'anglais. Bah, je savais depuis le début. Hein. Non, mais c'est vrai. Quoi? Mais Liverpool a mis un but face à Lisbonne. Ah, il est beau le but. On s'en fout. Oh, il est beau le but. Oh, bah, il est par hasard. Hein. Ah non, il est par hasard. Bien sûr, la balle, elle a ricoché sur un pied, sur un deuxième pied, elle est rentrée. Le mec, c'est contre toi, tu joues au foot. Ouais. Arrête un peu. Regarde ça. Peu. Hop, et c'est dedans. Oh le bâtard. Ouais, on speed. Qu'est-ce qui se passe là? Il est où? Il est au Portugal. Arrête un peu de décoller. Regarde l'image, regarde la gueule de l'image et coupe le son. Qu'est-ce que c'est que ces commentaires? Mais ça, c'est W9, ça n'a rien à voir. Nous sommes en direct de 1972. C'est la Coupe du Monde ici au Mexique. Michel Platini vient d'entrer sur le terrain. Ah, c'est drôle ça, riez. Mais vous allez voir quand Benfica va remettre un but. C'est pas grave, c'est juste les relances. C'est quoi leur matos là? Bah, je sais pas, non, moi je crois que ça doit être TF1 à mon avis. Sur mon téléphone, ils font ça avec leur verre. C'est la bonnette qu'elle fait en poil, ça leur fait ça. Ça doit être TF1 le problème. Hein. Ouais, mais c'est W9. Ah bon, bah ça doit être M6, enfin W9. Ouais, c'est W9, c'est une petite chaîne, ils n'ont pas trop de moyens pour les matchs. Ça doit être ça. Bon, on suit toujours tout ça, bien sûr. Allez, Benfica! Ouais, c'est mal parti quand même. Bah ouais, bah attends, ça va, c'est la 8ème minute. Ah, justement, ils sont mal partis, ils ont mis un but. Ouais, bah c'est ça, c'est mal parti. Non, ça n'a rien à voir, c'est bon. Bon, qu'est-ce que oui, on va prendre Charline maintenant. Vous m'emmerdez avec ça. On va prendre Charline qui est là maintenant. Charline, 18 ans, du 49. Bonsoir Charline, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Tiens, et ouais, ça va, et toi? Ça va. Bon, tranquille. Je tiens juste à dire un truc aussi. C'est que NRJ nous a bien eu la belle vanne. Ils ont coupé l'abonnement Canal Plus le 1er avril. Canal Plus et Canal Sat. Qu'est-ce que c'est drôle. Oh, c'est drôle. Allez, vas-y. Remettez-le. Allez, remettez la carte maintenant. Faites pas les pinces. Hein? Hein? Ça, c'est plus dur, ça. Hein? Ah non, ça marche toujours pas, donc hein, non, ça c'est. Ils ont pas payé. Attends, on regarde encore. Alors, ils ont fait une blague à CanalSat et ils ont pas payé. Ah, ils ont peut-être fait une blague à CanalSat et ils n'ont pas payé l'abonnement. Ça, c'est une possibilité. Je pense que nous, ils n'ont même pas cherché à nous faire une blague. Hein. Ouais. Alors qu'ils se font des blagues à eux-mêmes. Voilà, mais c'était drôle. C'était très drôle. Oui, voilà. Faut payer maintenant. Maintenant, faut payer. Bon, Charline, alors, toi, tu nous appelles pourquoi? Déjà, est-ce que tu as vécu des petits poissons d'avril aujourd'hui ou pas? Non, pas encore. Ah, pas encore. Bah, maman, ça va être trop tard. Il reste plus que 2h45 avant le 2 avril. Enfin, moi, je dis ça, c'est pour t'aider. Hein. Bon, alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, moi, je venais parler de la phobie scolaire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est chelou, ça. Alors, parce qu'en fait, moi, j'en ai eu il y a maintenant 2 ou 3 ans. Mm-hmm. Et donc, je voulais expliquer ce que c'était. Et parce qu'il y en a de plus en plus, sauf qu'on en parle quasiment pas. On en parle de moins en moins. Voilà. Et quand ça tombe dessus, ben on ne sait pas ce que c'est. Vas-y, explique-nous. Alors, donc la phobie scolaire, c'est une angoisse liée à l'école. Oui, c'est dangereux. Oui. Enfin, ça, on avait compris. Bon, c'est un truc qui fait peur, quoi. Voilà, on a du mal à y aller. Et donc, derrière ça, il y a plusieurs choses, si tu veux. T'as la peur du regard des autres, t'as la peur de pas y arriver. Enfin, c'est vraiment un engrenage et tout ça. Mm-hmm. Pour toi, c'est quoi la raison? La raison, bah, c'est que, enfin, c'est arrivé à la période de la puberté et tout ça, et étant donné que je suis une personne qui est assez timide et qui a du mal à aller vers les autres, la période du collège, c'est pas toujours facile, donc c'est arrivé à ce moment-là. Et mais t'as quel âge, là? Moi, j'ai 18. D'accord. Et aujourd'hui, ça va mieux ou t'es toujours en panique? Ah non, non, moi, ça va mieux. Enfin, bon, là, il y a toujours une fragilité qui reste là. Donc, forcément, il y a des moments où ça se passe pas toujours bien. Donc, c'est pas toujours facile à gérer. Ouais, ok. Il y a des moments où, bon, il y a toujours. Je suis plus fatiguée et parfois où je suis pas du tout réceptive. Donc, c'est vrai que ça reste toujours un peu. Pas dans soi, quoi. Enfin, c'est. T'arrives pas à t'en débarrasser, quoi. Hein? T'arrives pas à t'en débarrasser réellement? Ouais, enfin, de toute façon, il reste toujours une fragilité. Donc, même si tu fais un travail sur toi et tout ça, ça reste là. Enfin, je veux dire, ça part pas. Tu sors pas indemne de ça. Donc, Et ça, ça se passe comment quand t'es en crise? Alors, quand je suis en crise, ben, je suis une vraie lotte, donc je dors beaucoup. Mmh. Genre, t'arrives au bahut, tu t'endors sur ta chaise? Ouais, ou ça c'était avant, mais ça m'arrivait souvent de dire bah, je suis malade, je me sens pas bien, emmenez-moi à l'infirmerie, et puis je partais de l'école, quoi. Et tu sais si ça se répercute au travail après ou? Bah, enfin, au travail, oui, je pense, parce que j'ai du mal à me. Ouais, je parlais en entreprise quand tu seras au boulot plus tard. Oui, oui, je pense qu'il y aura toujours une fragilité qui sera là. Ouais, parce qu'en fait, au final, c'est pas vraiment une phobie scolaire, c'est la peur d'être jugé que t'as. Ouais, mais à la base, c'est quand même la phobie scolaire. Oui, parce que c'est à l'école, mais oui, ça vient de là, ouais. C'est une vraie maladie, ça s'appelle vraiment la phobie scolaire. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que au début de là, c'est la phobie scolaire parce que c'est l'ampère. C'est l'école, c'est l'école, mais après. Après, il y a d'autres choses derrière, ouais. Parce qu'après, tu sais, c'est pas la phobie du travail. Non. Et alors, et donc tu voulais parler de ça parce que tu connais des gens qui sont encore dedans ou parce que toi t'es passé par là en fait, c'est juste ça? Moi je suis passé par là et puis je connais d'autres personnes qui sont passées par là aussi et puis qui ont été complètement déscolarisées et qui ont fait leurs études par distance quoi, donc. J'ai ma voisine qui est depuis l'âge de 11 ans et n'est plus jamais allée à l'école. Hein? À cause de ça, je te jure. Bah en fait, oui. Et sa mère, elle l'envoie à domicile alors. Enfin, avec sa mère c'est ou avec la mère qui faisait les cours, ouais. Ah ouais, mais bon, t'as pas. Tu vois, je pense que il y a un diplôme quand même pour être enseignant. Oui, bien sûr. Elle s'improvise pas enseignante. Non, mais après, tu peux donner les cours, et puis après, t'as un vrai prof derrière qui gère avec la mère. Enfin, tu vois, ça reste compliqué, mais. Si t'es en panique à l'idée d'aller à l'école, il y a pas 10 milliards de solutions non plus, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc, faut. Eh, écoute, on va en parler, Charline, parce que ça peut être pas mal, effectivement. Je pense qu'il y en a pas mal de personnes qui souffrent de ça. On a pensé qui, et quand ça nous tombe dessus, bah, moi, je vois, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, quand ça tombe, bah, tu te demandes ce que c'est, enfin, tu ne connais pas. Donc, c'est clair que c'est pas toujours facile à gérer. Tu m'étonnes. Bon, ben Charline, reste là. On en parle dans un petit instant. Je rappelle au passage que Selena Gomez était avec nous hier. Il y a les photos, hein, les photos qui sont à mater sur mikael.fr. On va revenir dans un instant. Donnez-nous vos avis donc sur la phobie scolaire ou la phobie tout court. Hein, mikael.fr aussi dans la communauté ou alors par SMS au 612 en débutant votre message par Énergie. Bouge pas. Mikael termine de se teindre les cheveux blancs qu'il n'a pas. Et l'émission revient juste après ça. C'était Stromae avec Alors on danse sur Énergie. Petit tour au niveau du foot, toujours 1-0 pour Liverpool. Et tous les autres matchs, c'est 0-0 pour l'instant. On est aux alentours de la 20-25e minute. On vous tient au courant, bien sûr. On va reprendre Charline dans un instant avec beaucoup de messages hein, par rapport à la phobie scolaire. Et puis on va se remettre un petit coup de c'est qui là. Alors à votre avis, et qui chante ça? Franchement, je sais qui c'est, mais c'est dur, on dirait pas lui. Non, on dirait pas lui, c'est vrai, mais c'est dur. Surtout, je sais pas comment les gens vont trouver. Pourquoi? On en a parlé plein de fois déjà. Ouais, mais. Attends, t'es la star il y a pas très longtemps sur T'as TF1. T'as des bonnes réponses à passer ou pas? J'en sais rien, j'ai pas regardé, c'est Micha qui regarde. Bah, ça a été la star il y a pas longtemps sur TF1. Hein. Est-ce que ça marche si on le Shazam? Vous essayez? Non, je pense Attends, pas. Je essayer, crois pas, essayer. Non. Bon, alors vas-y. Non, par contre, je suis désolé, on va devoir laisser le morceau sans parler dessus pendant 10 secondes, donc désolé. Minimum. Ouais, allez. Ça y est, c'est bon? Tu me dis quand je paye. Vas-y. Et on va faire la chouille, sans un euro en fouille. Pas besoin de billets pour aller s'éclater. Car quand on fait la chouille, les maillots, les mouilles. c'est bon. C'était juste pour Shazam, pour voir s'il est dans la base de données déjà. Je pense que Shazam, il va péter les plombs. Non, je pense qu'il va pas le trouver. Non, il va dire, non, je crois pas. Non. T'imagines, il trouve, franchement, respect à Shazam. C'est un truc sur iPhone ? Yeah. Ouais. Si, il a trouvé. Arrête, c'est une blague. La merde du siècle, il a trouvé. Il a pas trouvé, Il propose autre chose. L'iPhone, il peut trouver des sons qu'on passe. Ouais, il y a les Sony Ericsson qui ont fait ça à l'époque, encore même avant l'iPhone, du moins certains. C'est vrai, quand tu fais écouter le morceau, hop là, ça marche. Et tu peux savoir ce que c'est. Il a trouvé autre chose ou pas ? Non, il a rien trouvé. Il a rien, mais c'est normal. Hein. T'imagines le truc, il te dit ouais, vous écoutez de la merde. Je veux même pas vous dire ce que c'est, tellement c'est de la merde. Bah, ça serait drôle, hein, cela dit. Ça serait très drôle. Il le dirait assez souvent alors. C'est vrai. Bon, on va jouer au Sarco Game maintenant avant d'en parler. Chers avec Charline. Bonsoir. Et bienvenue dans le Sarco Game. Bonsoir, Nico. Nico. Avant d'en parler de la phobie scolaire avec Charline dans un instant. Tommy qui est là de Strasbourg. Bonsoir, Tommy. Salut tout le monde. Salut Mickaël. Salut l'équipe. Comment salut. Vas-tu? Ça va. Bon, ben, bienvenue à toi, Tommy. De l'autre côté, Lydia, 18 ans, de Pégomas, c'est ça ? Salut ! Ouais, salut ! Comment ça va ? Très bien, merci. Bon. Bah ouais, ça va, ouais. Bon, Tommy, tu veux jouer avec qui ? Avec Toff. Avec Toff. Lydia, tu veux jouer avec qui ? Sandra. Ah quel bon choix ! Bonjour, Sandra. Ah. Salut. On dit bonjour, monsieur le président. Il t'aime la douleur, Sandra. Ah ouais, ouais. Ah non. Changer, s'il te plaît. Bah non, non, ah non, non. Celui-là, il est sadique, celui-là. Bien, mais on est plus fort. C'est un mal aigu. Ah, je savais bien que t'aimais la douleur, toi. Ouais, il aime bien. C'est parce que t'étais un peu couché, donc peut-être le sang passait mieux. Ouais, c'est ça. Allez, bon, alors, je vous rappelle la règle du jeu, Tommy et Lydia, ou vous connaissez déjà ? On connaît. Bon, moi, ça va. Ouais, bon, bah alors, génial. On y va, première question. Je rappelle juste que Tommy joue avec Toff et que Lydia, sans doute ton casque. Il est bien mis, arrête. Ouais, mais c'est fini ce temps où je trichais. Elle est plus comme ça maintenant. Non, j'ai la flemme maintenant. Non, c'est fini le temps où les gens t'aidaient. Voilà. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais tu les as tellement menacés. Bah, c'est normal. Ça a marché, ouais. J'ai menacé Pablo de prison à vie. Ouais, mais non, Pablo, il lui envoie des réponses rien à voir. Oui, oui, mais le pire, c'est qu'il continue de lui demander, c'est ouais. Ça qui est dingue. Hier, il lui a envoyé 1, 2, 3, tomate, salade, oignon. Bon, Tommy, tu joues avec Toff. Lydia, tu joues avec Sandro. Première question, on y va. Ce jeu est vraiment stupide. Mais on verra après. C'est le vôtre, hein. Oui, en plus. D'après une interview qu'a donnée Sohan de La Nouvelle Star à un magazine français, quelle chanteuse aimerait faire un duo avec lui ? Merde. Cette question est compliquée. Tommy, Lydia ? Tommy, sois bon. Elle veut m'aider ? Non, je peux pas t'aider. Non. Pour au premier tour, personne ne peut vous aider. Allez, Lydia, puisque t'as l'air chaude là. Une idée, une réponse au hasard. Super, j'en sais rien, moi. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Décharge pour Sandro. Je te jure, laisse-moi changer. On a pas le temps. Tiens, prends ça, Sandro. Voilà, la douleur est très aiguë. Mais non, c'est très bien, tu vas voir. Bon, du coup, Tommy, tu peux te concentrer avec Toff. Tommy, je n'ai aucune idée. Louise Bourgoin. Et non, c'est pas ça. Bah non. Décharge. Moi j'aurais pensé à. Ah j'aurais pensé à Brigitte Fontaine, c'est la seule barrée qui peut le faire. Non, Carla Bruni-Sarkozy. Hein paraît-il. C'est d'après les preuves. Ouais, c'est un 1er avril ça. Peut-être. Ouais, grave. Deuxième question, 0-0. Selon un ancien garde du corps du couple, que fait Brad Pitt lorsque Angelina Jolie l'appelle sur son portable pour gueuler ? Lydia. Il coupe. Il quoi ? Il coupe. Ouais, mauvaise réponse. Décharge pour ça. Mais non, c'est pas ça. Ah ! Désolé. Moi, je dirais, il pose le téléphone et il la laisse gueuler. Tommy. Oui, Tommy, je suis là. Tu valides ou pas ? Il passe le téléphone à son garde du corps. Ouais, ouais, vas-y, dis ça. Tu valides ? Ouais. Allez, mauvaise réponse. Non, mauvaise réponse. Il pose le téléphone et il s'éloigne. Merde ! T'aimes la bien douleur, fait, chef. Ouais. 0-0. Allez, hop, troisième question. Selon ses propres déclarations, qu'est-ce qui peut faire jouir très facilement Lady Gaga ? Tout et rien. Ouais, elle, ça va être bonne grosse bite. Ah, c'est peut-être la réponse. Tommy, Lydia. Sandro, moi je demande Sandro. Ah, c'est Sandro qui fait jouer Lady Gaga. Lydia. Tu ne peux pas demander l'aide de quelqu'un avant d'avoir donné la réponse la première fois. Ouais. Allez, Tommy. Tommy. C'est lunettes, mauvaise réponse, décharge pour Toff. Tommy, arrête de dire n'importe quoi à chaque fois. Ouais, mais faut arrêter de poser des questions, tu veux dire n'importe quoi aussi. Lydia. Lydia. Si tu réponds. Une banane. Une banane. Une banane. Je peux prendre une décharge pour une banane. Tommy. Non, trop tard, Tommy. Lydia, une banane. Ouais. Eh ben, vous imaginez bien que c'est faux. Mauvaise réponse. Voilà. Et donc, selon ses propres déclarations, Lady Gaga jouit facilement avec la pensée. Ouais, Lady Gaga, elle est complètement barrée. Non, bah, c'est pas cool du tout ce qu'elle a dit là pour le coup. Hein. Ouais. Vous êtes relou, il faut qu'on pose une quatrième question là, tellement vous êtes mauvais. Bon, si après ça vous trouvez pas, tant pis, personne n'aura gagné. Le Sarco Game, on l'aime ou on le quitte. Voilà. Bah, quittons-le. Pourquoi le chanteur Mika a-t-il accepté l'invitation pour se rendre au mariage de deux de ses fans à Munich? Ça fait moins les malins. En même temps, ça fait pas beaucoup les malins depuis tout à l'heure. C'est ça. Lydia, bah tant mieux. Voilà, hop. Bah, pour de l'argent. Pour de l'argent, mauvaise réponse, écharpe. T'aimes la douleur. Pour 100 euros. Ah, pardon. Excuse-moi. Ouais, ça va, il a pas envoyé la. Voilà. Mais je la sentais Attends. Tommy, Etoff. Tommy. Tommy Etoff, c'est ça. Pour qu'il y aille, ça, il doit y avoir un rapport, j'en sais rien, ils ont appelé leur enfant Mika, ou ils vont se marier le jour de son anniversaire, il doit y avoir un rapport dans ce genre-là. T'as une idée, Tommy, ou pas? Non, aucune idée. Non, bon. Ça valide quelque chose. Hein. Parce qu'ils se sont rencontrés sur son forum. Ouais, zéro. Ouais, c'est ballot. Zéro. Ah, fin du match. C'est la première fois où il y a un double zéro à la fin. On a fait 5 questions, là. Ouais. 4 questions à faire, ouais. Moi qui voulais faire une vanne avec Tommy. C'est bien trouvé, c'est bien Tommy. Ouais, et bah il a rien trouvé. C'est bien trouvé. Bon, bah voilà, Lydia et Tommy, vous repartez les mains vides. Personne ne connaît. Je peux faire une dédicace ? Allez, vas-y, t'en gagnes ça au moins, Lydia. Merci. Bah, je fais un gros bisou à ma maman, à Myriam qui m'écoute, et à mon papa parce que VIP ça s'écrit à V comme Bye Fouder, caral. Bon, allez, gros bisous Lydia, gros bisous Tommy, à bientôt. Je crois que Lydia est polonaise. Ouais, t'as raison, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, d'ailleurs, en parlant de ça, hein, Benfica toujours 0-1. Hein. Oui, effectivement, le président Daladier vient de... C'est malheureux. Robert Badinter. C'est vrai que le son est particulièrement mauvais hein, sur W9. Ils sont à 10 contre 10, là. Ah, ils sont à 10 contre 10, ils ont pris 2 rouges. Rouge, là, ouais, il y a une embrouille. Je crois que Benfica n'a pas pris de rouge. Ouais, il a mis 2 rouges, là. D'accord. Ah, merde. Ah, des coupures. Ah, un but pour le standard. Ah, bien. Un but pour le standard. Non, c'est un rouge pour Liverpool, mais pas pour Benfica. Ouais, tu vois. Ah, pourtant, j'avais l'impression qu'il avait envoyé un. Mais si, il y avait un mec en rouge à qui il a dit de se casser. Bah, peut-être qu'ils ont fait un changement. Oui, retourne sur le terrain maintenant. Ouais, retourne sur le terrain. En tout cas, il y a un rouge pour Liverpool, c'est parfait. C'est Babel. Bon, est-ce que Benfica va réussir grâce à cette opportunité à mettre un but? On verra. Bon, on va parler de la ferme célébrité. Ouais, vas-y, oui, si tu veux. Ah bah, c'est parfait. En plus, je sais pas pourquoi, avec cette houppette. C'est pas une houppette, arrête de me dire. Mais on dirait Tintin. Ouais, mais, Milou. Mais regarde. C'est la houppette de l'amour. Mais non, mais c'est encore pire si tu me dis ça. Il a encore plus ringard, ton truc. Il a les cheveux légèrement. Tu sais, style Ericsson, tu vois. C'est parce que c'est pas très très long. Et en fait, le coiffeur, tout devant, la première rangée de cheveux au-dessus du front, en fait, il a mis plus court que le reste. Ouais. J'ai plus simple, c'est une coupe tectonique. T'es bon, non, arrête. Bah, non, mais j'ai pas la dégaine tectonique. C'est des premières coupes tectoniques. Non, magnifique, Roux. Ouais. Là, te le dire. Bon, on parle de la ferme. Ah oui, c'est vrai. Allez, hop. Alors, déjà. Hein, c'est beau. Oui, allez, ça, c'est vrai, mais on va parler de la ferme. T'as raison. Allez, la ferme. C'est Geneviève de Fontenay qui était interviewée dans le petit journal de Yann Barthès, mais qui s'est un petit peu lâchée, et elle a parlé de la ferme. La rupture, c'est qu'il y a une mauvaise image du Miss France avec des scandales. Ça a commencé avec Valérie Beck, son pot de crème, pornographique, blasphématoire. Après, il y a eu le Secret Story, Rachel. Et puis, il y a maintenant Boschenko, c'est ça qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce qui m'a touché, cette fille qui est destituée parce qu'elle a écarté ses cuisses devant votre appareil ou un autre appareil et qui vont la récupérer pour la mettre dans leur ferme de merde? Comment voulez-vous que j'accepte ça? Pas de nouvelles de Jean-Pierre Foucault? Oh, alors lui qu'il aille aussi dans la ferme, hein, il est en train de marcher, c'est tout ce qu'il a aussi. Elle était un peu vénère, hein. Elle était un petit peu vénère. Son la pauvre. Crème pornographique. Ah, ouais. Et blasphématoire, il est blasphématoire, le pot de crème. Pour qu'elle lâche le comité Miss France quand même. Ah ouais, dans le. Non, elle le lâche pas. Merde. Elle le lâche pas, elle est toujours présidente du comité Miss France. Non, mais tu sais, c'est une vieille dame, la pauvre, quoi. Elle doit 78 être ans. Perturbée, ouais. Là, elle doit plus beau. Dormir. Elle ne fait pas, hein. Non, mais attends, non seulement elle ne fait pas, mais en plus elle a dit, hein. Elle a dit, moi je m'en fous, moi ma vie est derrière moi, j'ai plus rien à faire, tu m'en branles. Non, mais c'est pas vrai. Qu'elle laisse les Miss tranquilles alors. Ouais, mais non, mais après, ça reste son bébé. Ah, c'est raison. Ça, donc, c'est bien ce que je dis, la pauvre, quand même, ça doit la travailler. Ah ouais, je pense, ouais. A priori, elle voudrait récupérer tous les comités Miss France. pour refaire un autre Miss France bis quoi. Ouais, Miss France bis à côté. Putain, alors déjà qu'on se fait chier soirée Miss France, ils en font deux en plus. France 2 a décliné l'offre. Deux, ça va être chiant. Ça ne m'intéresse pas. Tu m'étonnes. Bon, normal. Peut-être que M6 va prendre. Non, M6 après, M6 par contre, ils ont rien dit encore. Ah bon. Non. Bon alors la suite. Bon, sinon passons à la ferme, la vraie Zoulou Miam Miam. Zoulou Miam Miam. Michael et David. Bon, c'est toujours un petit peu la guerre. Michael a décidé de s'occuper des animaux depuis quelques temps, sauf que au final, il le fait pas parce que David Vendetta et Greg Basso se lèvent plus tôt que lui pour faire les animaux. David Charvet. Qu'est-ce que j'ai dit? David Vendetta. David et Greg. Ouais, oui, mais tu David Vendetta et Greg. David, en fait, David et Greg se lèvent maintenant plus tôt pour. Si c'est pas des gamins. Pour pas lui permettre à Vendetta de s'occuper des animaux. Donc ce qui se passe, c'est bah, que. Bah lui, il est content. Hein. Donc ça, c'était juste pour planter le décor. Là, ils partent en sortie. David reste à la ferme. Michael va voir des crocodiles. Et Michael, quand il revient, il trouve quelque chose à redire juste pour faire chier. Ouais, ça sert à rien de vous lever à 5h si c'est pour faire les choses à moitié. Hein. Si vous êtes trop fatigué pour faire les choses, vous m'appelez. Hein. Parce que là, tu fais les choses à moitié, David, ça va pas. Aller sur les 4, c'est 3 fois par jour. Le matin, midi et soir. Bon, toi, ça fait 9 semaines que tu travailles, mais tu retiens pas les leçons, donc c'est dommage pour toi. Hein. Moi, j'ai une formation d'une demi-heure, je sais plus de choses que toi. Il est fort pour ça. Ah, il fait chier. Bah, pour faire chier le monde, bon, il est fort, ouais. Bon, mais il dit, hein, il a ça, hein. Il dit ouvertement, c'est de la provocation pure et simple. Ah, oui, oui, bah, heureusement. À mon avis, je crois qu'il a dû avoir un petit peu de tuile en plus de TF1 pour remettre un peu le bordel en route. Le pire, c'est quand il les colle, David et Greg, et qu'il les imite. Et tu sais, il est juste à côté, il les imite dans ce qu'ils font, c'est juste à mourir de rire. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est pas mauvais là-dessus. Sinon, ouais, deuxième. C'est pas ouf non plus, calmez-vous quoi. Non, c'est pas ouf non plus. Deuxième extrait, c'est quand on apprend à Velvet qu'elle va pouvoir aller voir les crocodiles. Alors, elle part dans un monologue, mais je pense que c'est David qui lui a appris à parler français. Ah, tu sais, moi, je suis trop heureuse, Greg avait laissé moi la place parce que, en fait, tout le monde ici connaît, j'avais ce côté où j'aime beaucoup des crocodiles et des serpents. Et des choses comme ça. Et quand elle avait donné, je suis incroyablement heureuse. Ouais, mais bon, elle, ça va. Je kiffe son accent. Ouais. Ah, alors, elle, il paraît qu'elle est super drôle. Allez. Diffuse jamais les images. Si, mais c'est rare. Disons que peut-être elle n'est pas souvent drôle, mais en tout cas, quand elle est drôle, parce qu'en fait, il y a la petite guerre avec les trois là qui monopolisent. Ouais, ils préfèrent les embrouilles. Ouais. Et du coup, ouais, bah, évidemment, ils préfèrent les embrouilles. Ouais. Sinon, ouais. Juste petit extrait, là. C'est le maître crocodile qui appelle donc ses crocodiles. Écoutez, l'aisance qu'il a quand il les appelle, on dirait qu'il appelle des petits chats. Come, girl. Come on. Come, baby. Come. Come, Alex. Come on. Okay, come. Come on. Come on. Petit plumeau, petit plumeau, petit bouffer la main. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est ça. Il appelle juste un crocodile de 500 kilos. Ouais. Enfin, 500 peut-être pas, mais en tout cas, il y a minimum 500 kilos de pression dans un centimètre carré. Oui, de morsure. Dans la ferme, il y a aussi le 1er avril. Ah bah bien sûr. Ah, donc David et Greg, pendant que les autres sont en sortie crocodile, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de rédiger une lettre. Et sur cette lettre, ils écrivent: Michael, je suis désolé, Frankie ne viendra pas, parce que Michael attend Frankie avec impatience. Voilà, ouais. Il l'attend toute la semaine. Donc là, ils ont décidé de lui annoncer. On sait que finalement il viendrait pas. Je pense qu'il s'attendait pas à cette réaction. Quand je vois depuis que Francky, voilà, il a été annoncé pour qu'il vienne, bah tous les jours, bah j'étais heureux quoi. C'était quelque chose de nouveau. Je leur faisais ouais, Francky va revenir. Et c'est la fin du monde pour lui. Et je savais que ça allait grave m'aider quoi. Oh, bah, il va pleurer. Il a pleuré, Alors le pauvre. Et quand on lui a dit non, c'est un 1er avril, il a dit ah ouais, d'accord. Bon, il y a un autre son là, mais on n'a pas trop le temps, je crois. Bon, on le fera après. Puis, ouais. Allez, on fait ça dans un petit instant. Restez bien là, toujours le c'est qui a trouvé. On vous le rebalance aussi dans quelques instants et on met un peu de son. Le collectif métissé qui arrive après la pub. Restez là. Bouge pas. Sandro va déguster son sushi coco Nutella. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur. Au pire, ça va vous désinfecter. Et Mickaël revient juste après ça. Voilà le son du collectif métissé à l'instant. On mettra Cheryl Cole aussi dans un instant avec Fight for This Love. Et puis on termine avec la ferme, Roux. Oui. Il restait encore un son, on n'a pas eu le temps avant la pub. Bah, le dernier son, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque fois David Charvet parle, il parle, c'est beau ce qu'il dit. Vous sortez avec quoi? Qu'est-ce que vous avez appris en quelque sorte? Moi je peux te dire aujourd'hui que j'ai appris beaucoup de choses, on va dire. Avec les animaux, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses en moi. Ça veut dire que j'ai repris la goût à la vie. J'ai repris la goût à la vie. C'est quel petit singe derrière qui le comprend. C'est un perroquet. Ah, je crois qu'il se fout de sa gueule. Hein. Je crois qu'il se fout de sa gueule, tout simplement. De quoi? Le singe derrière. Ah oui, c'est possible. Ouais, je crois qu'il a... Il va lui dire en perroquet, il va dire tu parles vraiment comme un bouffon. Même lui, le perroquet africain doit mieux parler français, je pense. Grave. Je crois. Hein, c'est une affaire. Disons, le perroquet, c'était un super imitateur et tout, on l'a jamais vu. Ah ouais, c'est vrai. Ils avaient dit, ouais. Ce qui est drôle aussi, c'est que bah, j'ai pas mis la suite, mais David Chervet dit voilà, si je suis venu ici, c'est pour. Bon, je fais pas les fautes, moi. Non. Ou alors si je l'ai fait. Ok, vas-y. Il dit si je suis venu ici, c'est pour prendre du recul. Ou bien que. Oui, c'est que de prendre du recul et être loin de tout. Mec, il est filmé 24 sur 24. C'est débile. Bah, il est loin, géographiquement parlant. Non, il est loin. Sa femme, je pense. Ah, peut-être. C'est vrai qu'on femme, ouais. Vient de remarquer avec Polo, sa femme qui s'appelle quand même Brooke Burke. Elle est pas top. Bah, écoute, c'est l'amour, hein. Ouais, Burke. Elle est pas top. Non, attends. La dernière fois que tu l'as vue, effectivement, elle était jolie. Sur toutes les autres photos, elle est franchement pas terrible. Ah ouais ? Ouais. Bah, en même temps, elle s'appelle Burke. C'est vrai. Elle porte bien son nom. Hein. Il nous a pas menti sur la marchandise. On se remet un coup de séquille là, avant de reparler avec Charline de la phobie scolaire. Alors, c'est qui ça, à votre avis ? Il a qui a trouvé sur le groupe Facebook. Hein. Et 2-1 pour Hambourg. Dommage. Voilà. Ceux qui ont l'idée, sur pétard, on reconnaît l'accent. Ouais, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'il parle du 14 juillet. Mais c'est ça qui est bizarre, ouais, je comprends pas. Parce que chez nous, la fête nationale, c'est le 21 juillet. Un 10. Ouais, bah oui. C'est un Belge, donc. Voilà. C'est un Carolo, pour être précis. Enfin, un gars ah, sur l'endroit. Ah, ceci explique cela. Voilà. Bon, on va reparler avec Charline maintenant. Et donc, si vous avez une idée du C'est qui de ce soir, 612, débuté par énergie ou sur mikael.fr dans la communauté. Alors, Charline, tu es de retour. Tu nous avais appelé tout à l'heure pour nous parler de la phobie scolaire. Donc, toi, t'en souffrais à l'époque, c'est ça, hein? Voilà. Donc, tu voulais un petit peu savoir comment ça se passait aujourd'hui, en règle générale. Il y a Julie qui est là également maintenant de Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Salut, Julie. Salut, Mikael. Salut, toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Bah, ça va. Bon, bah, tant mieux. T'as l'air au taquet, toi, dis donc, Julie. Hein. Bah, ouais. Passé une mauvaise journée? Bah, non, j'ai pas eu cours, donc ça va. Bah, oui, mais tu peux passer une mauvaise journée en n'ayant pas cours, hein, cela dit. Hein. La preuve? Bah, non, ça aura plus. Hein. D'accord. Bon, alors, Julie, tu voulais réagir à Charline, toi? Ouais. Alors, vas-y, on t'écoute. Moi, depuis toute petite, j'ai eu des embrouilles avec des gars. Ils m'ont toujours embêté parce que j'ai passé une classe. Parce que quoi? Au début, j'ai passé une classe. Ouais. Et que je suis un peu plus grosse qu'eux. Je suis pas dans la normale. Un peu plus grosse? Grosse et grande. Mmh. Donc, ils m'ont. T'es en mode velvet, quoi, de la ferme. Non. Mais. Donc, ils n'ont pas accepté tout ça. Et puis, au début, c'était une petite gaminerie. Ils n'ont pas accepté quoi? Que tu sois différente, entre guillemets? Voilà. D'accord, ok. Voilà. Puis, au début, c'était des petites gamineries, quoi. Après, ils en sont mis aux mains. Mmh. Mais maintenant, c'est tout le temps comme ça. Je l'ai tous les jours. Ça a été en école primaire. Ils m'ont suivi jusqu'au collège. Et maintenant, c'est au lycée. Et ils continuent? Ils continuent. Bah, les mecs ne sont pas grandis. Hein. Bah non. Ah ouais, mais ils sont restés dans leur débilité profonde. Mais tu changes de mec au bout d'un moment. Bah non, c'est toujours les mêmes en fait. Non, mais je sais, mais tu changes de tête de turc, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, tu te lasses à force. Ouais, bah, non, c'est chiant. Bah ouais, là, même là, bah j'en ai. Ils m'ont traité quand? C'était mardi. Mmh. J'ai le droit à. Non, je squatte pas là s'il y a la grosse. Non, mais attends. La grosse, c'est-à-dire, tu mesures et tu pèses combien pour qu'on s'imagine un peu? Bah, oui, non, je préfère pas le dire parce que. Mais non, mais c'est parce que. Non, mais. Je veux pas le dire, je comprends. Mais tu sais, non, mais après, t'as des gens. Tu sais, quand t'es gros. Après, de là à dire la grosse, ça se fait pas. Mais après, t'as des gens qui complexent d'autres personnes parce que, tu sais, la meuf, elle a peut-être quelques kilos en trop, mais rien d'exceptionnel. Ouais, et au final, ils l'appellent la grosse parce qu'elle a peut-être des grosses joues, mais tu vois, c'est de famille. Tu vois, moi aussi, j'ai des grosses joues. Pourtant, je suis pas obèse. C'est pour faire chier, quoi. Moi, je fais 1m80. Ah oui, quand même, t'es grande en plus. Ouais, je suis grande. On voit bien, j'ai un gros ventre, j'ai des grosses cuisses. Bah, t'es grosse, quoi. Mais ouais, pas ronde, quoi, parce que, bon, voilà, quoi. D'accord. Mais t'es proportionné à ta taille. C'est-à-dire que t'es pas maigre. Voilà. Non, ça c'est pour être gentil quoi. Non, mais non, parce que enfin, 1m80, t'es proportionnel à ta taille, et si tu fais plus de 100 kilos, t'es pas proportionnel. Non, mais c'est une question. Non, je suis pas plus de 100 kilos. Ah, déjà, d'accord. Parce que quand t'es grand, normalement t'es pas censé être fin, t'es censé avoir quand même un peu de volume. Ouais. Bah, déjà, t'as plus d'eau, donc forcément t'es plus lourd. Hein. Il y a plus d'eau, il y a plus d'os, il y a plus de tout, donc forcément c'est logique. Bref, et donc alors, pour te sortir de là, tu fais quoi? Et donc, ça m'aide pas, quoi. Je bouffe là, quand je suis dans les périodes scolaires et pendant les vacances, mais je maigris un max, quoi. Je perds 6 kilos en 2 semaines. Donc, tu bouffes à cause du stress. C'est peut-être ça aussi, Sandro. Voilà. Elle a peut-être un stress avec nous. Je voulais toujours dire. Mais donc, quand t'es en vacances, tu maigris. Quand t'es pas en vacances, tu grossis. Voilà, exactement. Ah bah, mais pourquoi t'essayes pas En fait, c'est des crises d'angoisse que tu fais. Ouais, mais même dès que ça va pas, tu bouffes. C'est la pure. T'as pas faim, mais tu bouffes. Voilà. Ouais, c'est des crises de. Bah, presque de la boulimie, hein. Ouais, bah ouais, mais ça, après, je sais pas en parler aux autres non plus. Non, mais les est-ce parents que... sont pas au courant, rien. Ouais, tu peux en parler à tes parents. Enfin, ça dépend des parents. Mais... Les parents, ils voient pas, hein, souvent. Non. Et t'as quel âge? 15 ans. J'ai 15 ans. Ah oui, en plus, t'es jeune, hein. 1m95 ans. Ah oui. Ah ouais, t'es bien grand. Et tes parents, ils sont grands aussi ou pas? Bah, ma mère, elle est un petit peu plus petite que moi. Mon père, ouais, fait quelques centimètres de plus. D'accord, ouais, donc t'es dans la moyenne de deux. Et pourquoi t'essayes pas de changer? Ouais, tu me diras si tu ne dis pas à tes vieux, c'est plus pratique. Mais pourquoi t'essayes pas de changer de bahut? J'ai tout testé, vraiment, j'ai tout testé pour changer de bahut du collège au lycée. Ouais. Pour être sûr qu'il soit pas là. Mais comme il est juste à côté de chez moi, bah, ils ont pas voulu. C'est quand t'es en école publique. Ouais. Ouais. Ah d'accord, ok. Bah en même temps, pour te sortir de là, faudra en parler, hein. C'est pas en gardant tout pour toi que tu vas réussir à te sortir de là. La preuve, tu arrives. À la limite, au médecin de famille ou à l'infirmière. Ouais, aussi, ouais, tu peux. L'infirmière est au courant, je lui en ai parlé. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Bah. Ouais, elle est désolée, elle a pas de solution. Faire, voilà, elle a pas trop de solution. Mes parents, je leur en ai parlé au collège. Enfin, tout le temps que j'étais au collège, je suis arrivée au lycée, je dis plus rien, quoi. Ils en ont peut-être marre, puis il y a d'autres problèmes. Arrête, donc. Non, mais bon, ça restait vieux, hein. Oui. Bah oui, mais bon. Non, je crois qu'il faut vraiment que t'en parles avec tes parents. Hein. Enfin, je sais pas quelle relation t'as avec tes vieux, mais. Et en plus, tu peux pas te permettre de les vanner. Bah, justement, j'en ai parlé à ma cousine qui est dans la classe, qui voit ça tous les jours, et elle me dit, mais remballez, mais moi, j'y arrive pas. Et si tu les ignores, ça marche pas, parce que tu sais, il y a des moments aussi, on le voit avec Polo qui est le premier, et Pablo aussi d'ailleurs, tu sais, dès qu'ils commencent à t'emmerder, bon, au début tu réponds, ça les fait marrer, donc ils en remettent une couche, jusqu'au moment où t'en as marre, et t'as même plus envie de chercher à trouver quelque chose pour les faire chier, donc tu les ignores complètement. Bah, c'est ce que je fais maintenant, mais dès qu'on me dit un petit truc, pas eux, mais d'autres personnes me disent un petit truc, et je pars en larmes, quoi. Ah oui, ah ouais, donc là t'es vraiment loin, quoi. Et mais en dehors de l'école, tu fais rien? T'as des activités ou pas? Ouais, si, ouais, je vais à une maison de jeunes où avec là ça se passe très bien, puis je vais au studio Energy Lille. Tu sais? Donc là aussi, studio d'Energy Lille. D'accord, tu vas là-bas, ouais. Ouais, ça passe le temps, hein, c'est toujours bien. Ça passe le temps, on va se déclarer. C'est un squat. Julie, attends 2 secondes, il y a Charline qui voulait donner son avis, éventuellement un conseil. Tu fais ça dans un instant, Charline. Julie, reste là également. Le temps d'écouter un petit peu de son Cheryl Cole, Fight for This Love. Et on revient en direct juste après, avec notamment le bac du jour qui arrive tout à l'heure. Un GAV ou un chéri, je t'ai fait cocu avant 23h. Cheryl Cole, à l'instant, Fight for This Love sur Energy. On reparlera dans un instant avec Charline et Julie de la phobie scolaire. Et il y a un message qui dit aussi, on me traite souvent de grosse parce que j'ai les hanches et un peu de ventre, alors que je pèse 48 kilos pour 1m58. Maintenant, je veux peser 45. Ça sert à rien. Un vide 62, va courir. Ouais. Mais c'est ça. Non, mais même pas là, des abdos. Bah, des abdos, faut muscler enfin, c'est même pas de la graisse, tu vois. Parce que t'as été plus gros, c'est que t'as fondu, donc du coup, maintenant, t'as trop de peau. À 15 ans, faut faire attention, hein. Le corps, il change, après, c'est normal. Ça se trouve, peut-être 30 piges, on n'a pas donné son âge, mais c'est vrai qu'à 15 ans, effectivement, ça va encore changer. À 30 piges, c'est plus compliqué, hein. Ouais, c'est même parfois trop tard. Moi-même, qui n'ai pas encore 30 ans, je remarque à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, au tout début où on était énergie, j'avais 10 kilos de trop, j'étais à 60, presque à 80, donc j'étais bien. Et je me suis dit, allez, je vais faire régime, continue à bouffer des merdes, sauf que j'ai bu de l'eau. J'ai perdu 10 kilos. Je me suis dit, putain, c'est facile, les mecs ils galèrent là, quelle bande de cons alors. Donc voilà, donc ça s'est bien passé. Et puis, les vacances, tout le bordel, 1 ou 2 ans après, j'avais repris les 10 kilos. Je me suis dit, je vais continuer, je vais boire de l'eau. Et ça n'a rien posé. Dommage. C'est marrant, la première fois ça a bien marché. Ouais, mais et c'est puis, parce peut-être ton corps était habitué à ce que tu boives des merdes, coca, ben ouais. Tout. Donc t'as bu de l'eau, mais sauf qu'après t'as continué à boire de l'eau. Mais ah non, après j'ai rebu du coca et tout, hein. Enfin, entre autres. Et puis j'ai dû faire des paris avec Polo pour me motiver. J'ai reperdu les 10 kilos, puis j'ai de nouveau repris. Et donc là maintenant je les repère petit à petit, mais je le fais plus intelligemment et plus de manière moins rapide. Mais sans sport. Ah oui, toujours sans sport. C'est ça. Ah oui, non, c'est une religion pour lui. Ah oui, non, trop de sport tue le sport. Ah oui, mais et trop de sport me tue aussi d'ailleurs. Ouais. Donc non, un peu de sport, non. Bah un peu, ouais, non, si, parfois je marche. Ah oui. Bah, parfois je prends pas l'ascenseur. Quand tu vas à la boîte aux lettres, il marche. Ouais, ah bah, parfois j'y vais même en courant quand il pleut. Ah oui, c'est ça. Il y a une motivation. C'est pour ça. Bon, la boîte aux lettres pour ma défense n'est pas juste à la sortie, n'est pas à la porte, quoi. Sans même. Même pas 50 mètres. Et encore, aller-retour. Hein. Ah oui, aller-retour, il y a peut-être 50. Ah, il y a un bon 50 mètres aller-retour, voilà, c'est ça. Donc ça me fait 50 mètres de marche par jour. Félicitations. Ah bah merci, je te remercie. Bon, donc on en reparle dans quelques instants et nous avons la réponse au c'est qui. Ah, avec Marjorie qui est là maintenant, 17 ans de plaisir. Salut Marjorie. Bonjour Michel, bonjour l'équipe. Comment ça va? Je suis un peu en stress. T'es un peu en stress, pourquoi? Ouais, je sais pas, je suis impressionnée, on va dire. Mais il faut pas, t'inquiète pas, on a accroché Tov dans le fond du studio. Il n'y a pas de problème, on lui a mis une muselière, on lui a mis les menottes, tout va bien. Ouais, mais je peux faire un chiffre quand même. Ouais, quand elle sera majeure. Ah merde. Ouais, c'est dommage. Bon, alors, Marjorie, qui c'est qui chante? C'est Jean Barbera. Et oui, grande star en Belgique et grande star également il y a peu avec Le Juste Prix. C'est ça le pire. Ouais. Il a gagné à Vissel, on sait toujours pas d'ailleurs s'il a réussi à l'avoir en cage. Bah non, mais on a essayé de l'appeler, il décroche pas, il est relou. Bah, c'est une restar, il décroche plus comme ça maintenant. Bon, on va essayer de l'avoir. On n'entend pas son accent, parce qu'il a un accent lui. Ouais, mais, ouais, il a un accent, ouais. Ouais. C'est gentil d'être passé. C'est un peu ça, ouais. Je me souviens la première fois qu'il a vu Roux, la première fois. Oh Sandra, je l'ai vu. Mais si, si on l'a déjà vu. C'était dans les boîtes à Liège, je sais pas où là, en soirée. Bah j'étais pas là. Hein. Ah bah peut-être que toi t'étais. Ah peut-être que t'étais pas encore là toi à l'époque. Moi j'étais pas né. Moi. Mais c'était peut-être la première fois où on a failli avec Toff mettre Sandro dans un bar à fuite à Liège. Ah oui c'est ça. Ouais. Quoi, je me rappelle même pas. Mais si, c'est quand on t'a appelé Sandro, c'est à ce moment-là que Sandro a débarqué. Bah, je ne savais même pas. Tu te souviens pas? Je ne savais même pas. Qu'il y avait Liège. C'est vrai. Mais je ne savais rien. Je connais même pas l'histoire de mon prénom. Ah bon? Bah non. Ça s'est passé dans le Thalys. Ah si, je m'en souviens moi. C'était pas dans... Ouais, c'est bah vraiment... j'étais pas là, comme d'hab. Bah si, t'étais là. T'étais dans le taxi, ouais, on t'a appelé Sandro. Pas, ou alors encore. Mais si, on était devant les bars à pute et tout. Où tu disais bonjour aux madames derrière les vitrines. Tu disais bonjour. Ouais, ça je m'en rappelle dans le taxi parce qu'elle me faisait coucou, alors j'ai répondu. Ouais. Et vous vous êtes foutu de ma gueule, je m'en rappelle de ça. Ouais. C'est tout. Attends, ça me dit rien par contre. Si. Ça c'est bizarre. Bon, ben voilà Marjorie, c'est gagné, tu vas retourner chez Michel au standard, on prend tes coordonnées et on t'envoie tes cadeaux, d'accord? Ok, merci. Salut, gros bisous. Ciao Marjo, bye bye. Sandro, tu connais Jean Barbera et tu t'en rappelles pas. Putain. Si, je me souviens l'avoir croisé, mais c'était dans des émissions. Ah oui, il y avait des émissions aussi, ouais. Non, ouais. Si, on l'a vu en vrai. Oh, au VIP Room, là, je l'ai vu. Non, les gars, si lui rentre VIP Room, tout le monde. Non, en émission, il était venu nous voir, on avait Arthur. Ah, c'était pas lui. Ouais, je sais plus. C'est Elise Moon. C'est pas. Non. Si, t'as raison. Ouais, non, c'est possible. C'est au VIP Room pour les lancements des Energy Music Awards et Jean Barbera était venu parce qu'il adorait Arthur. Et parce qu'il faisait une interview pour la télé où il travaillait à l'époque. Je sais plus. Bref. Non, c'est pas lui. En tout cas, on essaiera de l'avoir au téléphone tout à l'heure. Bon, aujourd'hui, 1er avril, hein, mais bon, comme on est un petit peu fainéant, on s'est décidé de pas faire de boisson d'avril. Ouais. Hein, ouais. On n'est pas sûr chez non plus. Moi, je pensais en faire un, mais aux collaborateurs, tu sais, il y a un truc. T'as un truc de... Merde, comment ça s'appelle? C'est pour les mains, là, ouais. La grippa. Ouais. À l'entrée de l'ascenseur. Je me suis dit, ça pourrait être drôle qu'on fasse un truc dedans. Ah, de la pisse. J'ai hésité, quoi. Ouais, de la pisse, c'est tendu, quand même. Ou de la merde. Disons qu'on n'est pas en odeur de sainteté, ici, donc... Ouais, puis tu sais, s'ils font un test d'ADN, ils savent trouver qui c'est, quoi. Ah oui, ça, c'est clair. Non, alors, je savais pas quoi faire, pas quoi mettre dedans. Donc t'as fait rien. Ouais, tu mets de l'eau, après, tu sais, c'est la blague, elle est pas drôle. Ah ouais, parce qu'ils se rendent pas compte, donc c'est nul, quoi. Sauf si après, tu leur mets de la grippa, quoi. De la vodka. Ça aurait été drôle, voilà. Ça c'est drôle. Oh, c'est drôle. Ah, on va faire chier, hein. Donc, on a décidé de vous donner les meilleurs, du moins qu'on a repéré, blagues du 1er avril dans la presse, dans la télé, hein. D'ailleurs, si vous en avez aussi repéré, venez nous en parler. Donnez-le sur Facebook, par exemple, mikl.fr en cliquant sur la communauté, ou alors sur les SMS au 612. Voilà. Bon, il y a eu Google, hein, qui a fait sa petite vanne, évidemment, son petit poisson avec la sortie de son nouveau logiciel de traduction qui traduit Je sais pas, des langues. Non, pour les extraterrestres. le Google Animal Translate pour enfin comprendre tout ce que veut dire votre petit animal de compagnie. Ah, mais c'est génial ça! Mais c'est pour rire, hein. C'est dommage. Ouais, ouais, c'est dommage. Mais en même temps, t'as plus d'animaux, Sandro. Ah, si, Roux. Oui, mais pour ceux qui en ont, je pense à eux. De quoi? Ah, mais Roux, il veut pas mettre la laisse. Ah, ouais, bah oui, c'est bizarre. Hein. Et du coup, elle traîne sur la table. Ouais, c'est ça. Ah, je te verrai. Elle traîne, moi. Elle traîne. Elle traîne sur la table. Sur la table, d'accord, sur la table. Ok. Voilà, c'est dur. Tu cherches tellement la petite bête à essayer de trouver une expression qui n'est pas française que tu chipotes. Alors, non, je comprenais pas ta vanne. Ah, d'accord. Donc, du coup, elle est sur la table. Et selon l'Angleterre, il y a un journal, genre Le Monde, qui a annoncé qu'il a arrêté son édition papier pour ne plus donner les informations que sur Twitter. Ah ouais, alors ça, franchement, ça m'a choqué. Ça t'a choqué? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible de rigoler avec ce genre de choses. Quand j'ai vu ça, oh putain, j'en avais rien à foutre. Bon, et puis sinon, il y a Le Point qui annonce l'arrivée des extraterrestres et que Sarkozy et Obama seraient en négociation avec eux. Alors ça, c'est nul. Sarkozy, ah! Enfin, c'est nul. Les extraterrestres qui arrivent et c'est Sarko et Obama qui vont gérer. Bah oui, c'est-à-dire que au moment où le mec il l'écrit, il s'est cramé, quoi. Les extraterrestres s'en bat les couilles de Sarko. Oui, déjà. Mais ouais, mais c'est un journal français qui a fait ça, donc Obama, ouais, c'est pas terrible. Je pense que Sarko, s'il voit des extraterrestres, il va pas leur parler, il va flipper, hein. Il va leur envoyer hors de feu. Bon, et puis un autre poisson d'avril dans un journal anglais qui prétend qu'une société de dépannage dont les mécaniciens sont équipés de propulseurs pourront voler au-dessus des bouchons pour venir aider les gens plus vite. Ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, si vous en avez vu d'autres, n'hésitez pas. 612, vous nous dites. J'ai trouvé heureusement un site qui répertorie. Bon, malheureusement, c'est que les Belges qui répertorient. Oui, c'est les meilleurs. Qui répertorient donc que les poissons d'avril dans les médias belges. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Sinon, il y avait sur une radio en Belgique la commune de Moucron, donc c'est une ville. C'est moche. Qui va proposer aux habitants des hamsters pour produire de l'électricité à domicile. Ah. Voilà. Ouais, mais en même temps, ils ont déjà proposé des poules pour réduire les déchets, donc c'est vrai. Encore une autre radio en Belgique qui dit le palais de justice va être transformé en discothèque géante gérée par Karl de Montcharlin. C'est notre genre rock à nous. Ouais, c'est le genre rock en Belgique, ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi encore? Attends, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Merde. Il y a les gilets de beige. Mais bon, ça, ça j'ai pas vu. En fait, tu sais, c'est carnaval, quoi. Et donc, voilà, il y a aussi un carnaval en Belgique. Sauf qu'ils ont un costume particulier. Et sur le costume, t'as le symbole de la Flandre et le symbole de la Wallonie. Ils ont fait croire qu'ils allaient découdre tous les symboles de la Flandre et recoudre des... Que la Wallonie. Non. Des coques avec le drapeau français. D'accord. Ah, putain, ouais. Les mecs, ils s'éclatent. Ah, oh putain, les mecs. Ah, ils s'éclatent à fond. Bon, j'en ai d'autres. Ah ouais, j'en ai d'autres, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Bon, on revient dans quelques instants, le temps d'écouter un petit peu de son. Jason avec Do You Remember. Et puis on reviendra juste après avec notamment aussi Charline et Julie pour parler de la phobie scolaire. Le son de Jason à l'instant, Do You Remember sur NRJ, tous les soirs entre 21h et minuit, avec vos messages que vous lâchez, bien entendu, 6, 11, 12, débuté par NRJ, votre message par SMS, ou alors sur mikael.fr, avec notamment Fufu la Praline qui est là comme tous les soirs, il y a Ludivine, il y a Stacy, il y a Vincent, il y a Arnaud, il y a Salomé, il y a Thomas également avec le drapeau portugais derrière lui, et oui, Frédéric qui est là également, Julie, Tom, Elise et tous les autres, hein, donc mikael.fr pour lâcher vos messages, n'hésitez pas, cliquez dans la communauté pour venir nous rejoindre. Pareil pour venir sur le Twitter de l'émission. On a le petit signal là, j'ai presque pas parlé ce soir là pour gagner l'iPad. Ça c'est la version qu'il faut entendre. Dès que vous l'entendez, 612, débutez votre message par NRJ, puis Fanta avec votre numéro de téléphone. Bah mets-le comme ça on est tranquille. Hein. Je vais le mettre. Ouais, mais c'est pas. Hop là, voilà. Allez, bonne chance pour les inscriptions. L'iPad en exclu total à gagner grâce au buzzer Fanta qu'on vient d'entendre. 612, débuté par NRJ, puis vous mettez NRJ, Fanta et vos coordonnées avec votre numéro de téléphone, ça tombe sous le sens, pour qu'on puisse vous rappeler. Voilà, on va récupérer Charline maintenant. De nouveau là, Charline ? Oui, bon, c'est parfait. Toujours là. Et Julie, Charline qui nous avait appelé pour parler de la phobie scolaire. Et Julie qui nous avait appelé pour réagir en disant qu'elle, par contre, était à fond dedans. Et donc, Charline, toi, tu voulais donner ton conseil aussi juste avant la pause ? Oui, voilà. Julie, il ne faut pas qu'elle le garde pour elle. Parce que moi aussi, quand j'étais pas bien, je faisais que des lignotés. Et ce qu'ils faisaient, c'est que mes parents, ils planquaient tout. Et il faut vraiment pas qu'elle en parle, qu'elle garde pour elle, parce qu'on s'en sort pas tout seul et on a toujours besoin des autres. Et c'est vrai que c'est un problème qu'il faut pas garder pour soi, quoi. Bah, et pour info, donc Julie nous disait qu'en gros elle était au bahut depuis pas mal de temps et que voilà, elle était un petit peu en surpoids. Et donc du coup, il y a un petit groupe de mecs qui n'arrêtent pas de l'emmerder à ce niveau-là. Et donc en gros, elle dit rien à ses parents et elle est tellement en stress avec le bahut que, en gros, dès qu'elle va au bahut, elle grossit, elle bouffe, elle grossit. Et dès qu'elle est en congé, elle maigrit. Justement, faut vraiment pas qu'elle garde pour elle, quitte à ce qu'elle aille voir le principal de son collège. Moi, je sais que moi, ça avait rien fait. Et donc, j'avais été déscolarisée pendant quand même 6 mois. Et après, j'avais changé de collège. Et ma quatrième, c'était pareil, ça se passait pas bien. Je faisais quasiment une semaine sur deux. Mmh. Et en troisième, j'ai fait une troisième semi-professionnelle, donc j'étais une semaine en cours et je faisais des stages. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à aller mieux, et vers octobre-novembre 2007, ça a commencé à aller. Il a fallu que je trouve ma voie, et le fait que d'être entre l'entreprise et les cours... Ça t'a aidé. Voilà. Bah, tu respirais un peu entre les deux, quoi. Voilà, et puis bon, l'établissement où j'étais, ils avaient déjà connu le problème, donc ça aidait aussi, ils étaient plus compréhensifs, quoi. Et surtout, il faut en parler, parce que là, tu grignotes, etc., mais c'est une mauvaise habitude, parce que tu vas t'habituer comme ça, c'est-à-dire que dans toute ta vie, qu'à chaque fois que tu seras confronté à du stress ou à de l'angoisse, tu vas aller bouffer. Oui, mais moi... Et tu vas en avoir des angoisses dans ta vie, hein. Donc. Et tu vas en avoir, donc c'est vrai qu'il faudrait trouver une autre solution pour évacuer. Il y a toujours de moyens de trouver, mais le sport, dirait Leroux, faire des abdos. Non, mais 400 abdos par jour. Non, mais pour les gens qui aiment le sport, il y a le sport. Il y a des gens qui aiment le théâtre. Il y a des gens qui ont besoin juste d'aller voir, de sortir un peu, d'aller voir des copines. Ça leur permet d'évacuer. T'as une passion, toi, ou pas, Julie? Bah ouais, moi c'est la radio. Ah toi, c'est la radio, t'as pas. Ah bah oui, donc c'est pour ça que tu traînes l'énergie tout le temps. Voilà. D'accord, ok. Eh ben voilà, donc déjà. À Lille, il doit y avoir des petites radios où elle pourrait aller s'amuser un peu. Ah, tu peux aller sur une bonne radio. En plus, t'as 15 ans, c'est parfait. Ça s'appelle Mona FM. Oui, mais bon, non, si ça lui permet d'aller faire une petite chronique là-bas, non, c'est déjà. Non, tout ce que ça te permet, c'est d'arriver au cimetière plus vite. Hein, ouais, c'est d'enterrer des gens. C'est une radio pour vieux. Ah, c'est pour les vieux. Ah oui, à Mona, oui, oui. Ah, mais t'apprends. Oui, non, mais bien sûr, tu peux apprendre, mais. Enfin, c'est dur, quoi, de passer que des artistes morts. Là, ouais, c'est mais ça, non, c'est pas vrai. L'émission la plus longue sur Mona FM, c'est de la nécro. Hein. C'est génial d'aller dans des associatives. C'est pas une associative non plus. C'est quoi? Bah, c'est une radio, une grosse radio locale quand même. Ah non, mais il y a des radios associatives, c'est très bien. Oui, bien sûr. Après, tu peux démarrer sur de petites radios, ou même sur des web radios, hein, Julie, au final. Hein. Ah oui, il y a les web radios maintenant. C'est un peu dur, les web radios. Pourquoi? À gérer, je sais pas. Parce que c'est pas payé, que bon, moi j'estime vouloir gagner dès le début 2 500 € par mois, donc c'est compliqué. Non, donc à ce moment-là, c'est pas vraiment une passion pour toi, la radio? Non, si, c'est moi qui invente. Bah, moi j'y vais souvent voir Stoyan, animateur de l'Energie, et dans, on parle, mais souvent c'est pendant l'émission, quoi, pendant qu'il fait ses trucs entre ses speeches, il parle de ça, et on parle, et ça fait du bien, quoi. D'accord, c'est déjà pas mal si t'arrives déjà à trouver quelqu'un qui parlait au final. Bah bon, bah c'est ça, après moi je veux faire comme vous plus tard, donc ça m'aide. D'accord. Si, vous écoutez le sport. Fais gaffe, parce que c'est pas du tout le bon métier si tu veux garder une taille mannequin. Hein. Non mais ça je m'en fous en fait. Ah bon, d'accord, ok. Non, je dis ça, c'est parce que tu sais, surtout quand tu fais le soir, t'as tendance à bouffer tout n'importe quoi. Donc surtout n'importe quoi. Et puis après, les premières années, c'est la fête à la saucisse, c'est le cas de le dire. La fête au hamburger, au pizza et à toutes ces merdes. Et donc du coup, tu prends du poids, c'est clair. Bon, il y a Louis qui voulait réagir. Julie et Charline, restez là les filles, d'accord? Oui, d'accord. Bon, bougez pas, Louis, reste là aussi, on va te prendre dans quelques instants. Et puis on va revenir avec Pony Pony Run Run, la version live qu'ils avaient fait dans l'émission il y a quelques mois, avec Hey You sur Énergie. Bouge pas. Stoff part dans une exploration au plus profond de ses narines. Et Michael revient juste après ça. Le son en live de Pony Pony Run Run avec Hey You. Ils étaient venus chanter ça dans l'émission. Il y a les photos et les vidéos qui sont bien sûr encore à mater sur mikl.fr. Bon, alors, c'est toi, c'est ton délire là, c'est quoi ton bordel là? Non, en fait, je suis tombé sur une vidéo, je vais la mettre sur le blog, d'une meuf qui se met 15 bottins sur la tête. Ouais. Et qui après, bon, elle arrive à réciter le nombre pi et à faire un Rubik's Cube en même temps. Donc, Donc voilà, dit comme ça, c'est vrai qu'on peut se dire que Toff a des occupations bizarres la journée. J'espère juste que tu vas jamais tomber sur une chèvre qui se fait enculer par un mec, parce que ça te fera une chèvre le lendemain. Et ben écoute, je suis venu avec une chèvre et yarou, on va l'enculer. Non, mais je trouvais ça drôle d'essayer de voir combien on arrive à mettre de bottes sur la tête du roux. Bah on peut sur la tête du roux. Bah oui, c'est vrai, mais non, mais avec ta coupe, c'est bien. Ouais, parce que c'est plus aérodynamique chez le roux. Il allait couper les trucs. C'est... Bon, allez, vas-y, essaye. Bon, bah, j'enlève le casque. Moi. Ouais, mais il vaut mieux, sinon ça va être compliqué. Bon, alors, si c'était toi, j'aurais pas commencé par celui-là, mais tant pis. Pourquoi ? J'aurais pris plus large. Il est pourri, il est pourri. Mais c'est pas l'espace, les gars, il y a pas de... Attends, faut que je le sente. Un, pour l'instant, ça va. Le deux, ça va pas aller. Mais si, regarde. Mais il faut qu'il les mette lui-même, hein, parce que si tu les mets toi, tu sens pas le... Non, mais non, justement, parce que s'il les met lui, il en mettra moins encore. Bah ouais, mais là, j'ai déjà la tête penchée pour le tenir, là. Mais c'est parce qu'il part, il part de travers. Oh, ça va tomber. Et voilà, c'est tombé, c'est le drame. Bon, combien alors ? 3. Et encore, hein, le troisième a fait tomber, donc est-ce qu'on le compte ou pas ? Je sais non, pas. Non, ça fait 2. Ouais, ça fait 2. Allez-y, faites-le. Bon, le roux est vénère, il réessaye. Ouais. Allez. Tu vois, il est mêlu, hein. Et lui, du coup, il sent qu'il a un peu trop de travers ou pas. Et je suis sûr qu'il va arriver à en mettre 4. Enfin, 3, allez. Au moins 3. Déjà, moi, tu vois, moi, je t'aurais dit de commencer par le plus fin, parce que c'est plus facile avec le plus fin de Toff, là. C'est pas sûr. Mais si, ils sont plus fins, ils sont plus larges. Jack essaye aussi. Eh oui, ça passe. Ah là là là là. Tu vois, Roux, chez Toff, ils sont plus fins. Ah. Et ça compte pareil. C'est pas tombé, espèce de chien. Bah. Bon, hop, troisième pour Toff. Jack, ça va pas, il va démarrer avec 4 directs. Il met des bottins de merde. Lui. Bah oui, des petits bottins tout court. Il faut que là, t'en as deux. Hein. Ouais, t'en as deux. T'as ouais, t'en as deux. T'as deux équivalents. Allez, il faut encore en mettre un. Ah, alors Sandro qui essaye aussi, maintenant c'est la fête à la saucisse chez tout le monde. Alors Sandro, tu peux nous faire une petite danse ou pas avec ça? Non. Fais-nous du Bollywood. Du Bollywood. Je peux danser. Attends, on essaie d'en mettre 4 chez Sandro. Vous pouvez faire ça chez vous si vous avez assez de bottes, hein. C'est pas sûr en même temps. C'est mieux, mais vous pouvez le faire. Oui, c'est pas. C'est un truc de Bollywood, mais vous pouvez y aller. Bah, Toff l'a trouvé, hein. 4 chez Jack. Mais attends, il les a pas lâchés. Je vais la mettre sur le blog. Attends. Non, 3 chez Jack. Bon, vous verrez sur le blog la version. La meuf, elle arrive en mettre 15 en faisant d'autres trucs en même temps. 4 chez Jack. C'est dur, mais 4 chez Jack. Sandro est à 3. Sandro est à 3. Ouais, bon, là, c'est tombé. C'est pas chez Sandro. En fait, je peux les mettre tous d'un coup. Je pense, ouais. 4. 5 chez Sandro, peut-être. Non, 4. Enlève, lâche. Attends. Solidifie ta nuque. Faut que tu bouges ta tête. Ta nuque solide. Faut que tu bouges ta tête. Solide la nuque. Muscle ton jeu. Ouais. 5. 5. Allez, Sandro. Un sixième. Vas-y. Allez. Bouge pas. Vous allez me faire rire, là. Ça me stresse. Mais non. 6. 6, c'est un chocolat. Il me fait rigoler, Pablo. Mais non, c'est pas son style. 6. Elle a l'air cruche. Ouais, non. Elle a l'air con, hein. C'est pire, mais non. Ah, ça, je vous le dis. 3-14. Et le reste. C'est déjà pas mal, hein. Déjà, je me souviens de 3-14, c'est déjà pas mal, hein. Putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bottoms. Attends, je vais rigoler. Allez, à 8ème, 8. C'est les origines, ça. 8. Allez, 3. Attends, j'ai pas lâché encore. 7 bottins, mais est-ce que tu ferais pareil avec 7 cacahuètes? Mais pourquoi tu bouges? Mais c'est parce qu'elle bouge en même temps. Elle lâche, ça tient, et puis elle nous fait un Bollywood, c'est clair. Elle fait du Bharati. Allez, Messi. Comme un château de cartes. Allez, attention. Messi, tu vas réussir. 15, non. On fait les photos et les vidéos, vous verrez. Non, 15, non, mais. On est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rigole pas! Et encore, elle a de la chance, elle a fait deux pieds. Hein. On lui dit rigole pas, c'est pas peuré. Attends. T'as pas une musique d'Indien là? Surtout qu'elle a une tête de con quand même, pour la peine, avec les bottins sur la tronche. T'as un peu, toi, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? On va faire un film, Slum Bottin Millionnaire. Mais tiens, Sandro! Non, mais quand je lâche, ça tient, mais. Pense à Gandhi! Allez, Sandro, elle peut y passer la nuit quand même, merde! Dis-toi que tu as mangé un curry en rentrant. Oui! Non! Voilà, putain, tout est tombé! Oh là là là là, le drame! C'est déjà pas mal, 7! 7 ou 8, non? J'ai gagné! Ouais, c'est pas mal! Non, 7, c'est le 8ème qui a tout fait tomber! Ah, ben. J'ai gagné! Bon, eh ben pour. 8. Ouais, mais le 8e a fait tomber, donc 7. C'est vrai. C'est ce qu'on avait compté depuis le début. Bon, pour ta victoire, on a un cadeau pour toi, Sandro. C'est quoi? Un annuaire. Non, ah, mais j'aime pas tes cadeaux. Pas chaud. Un vieil annuaire en plus. On a Gabi qui est là. Qui? Salut bah, Gabi. Tout énergie. Ouais, ça va. En place, t'es en forme ou quoi? Oui, moi je suis toujours en forme. Ah, bon, bah tant mieux. Et j'ai envoyé un petit message, t'as vu, j'ai envoyé un petit message pour Sandro en même temps. Non, non, j'ai pas vu, non. Oh, tu viens d'où toi? Moi, je suis du territoire de Belfort. Ah, ah. Bah, j'ai posé bon. C'est pas pour dire. Ah, dans Belfort, il y a Belle. Hein. Bon, bah oui. Bon, ouais. Gabi, tu nous appelais pour parler à Sandro? Oui, je bah, passe. Bah vas-y, mec, profite. Je parle et tout, je passe avec tout le temps. Tu 24 sur 24, 7 jours sur 7. Quelle chance. Oui. Quel est le bout de la phrase qui manque? Il pense à elle. Ah, ah, ben. Je pense à elle tout le temps. Ah bah donc oui. Mais t'es un peu amoureux toi en fait, non? Bah oui, je suis tout seul. Ah ouais, bah ouais. Mais c'est pas la question que je veux poser. Je veux que tu te racontes, pas de problème. Hein. De quoi? Vu que se rencontre, pas de problème. Hein. Bah, écoute, je ne parlerai pas à sa place, mais en tout cas, qui ne dit mot consent. Mais non, mais je crois qu'elle a pas compris. Bon, Gabi. Oui. Gabi, Sandro est là, profites-en pour lui parler. D'accord. Est-ce que c'est possible de se rencontrer? Ma mère, elle veut pas. Elle aime non, pas. C'est vrai. Elle aime pas qu'elle rencontre des inconnus. Elle veut pas que je parle avec les gens que je connais pas. Ah bah oui, elle a bien choisi son métier. Hein. Gabi. Pourquoi? T'aimes pas un peu de quoi? Quelque chose? Un peu de oui. Quoi? Oui, oui, oui. Bon, je comprends, ouais. Bon, Gabi. Oui. Le meilleur truc à faire, je pense, c'est t'as la possibilité de le faire maintenant. Profites-en pour te vendre. Pourquoi est-ce qu'elle devrait te rencontrer, tu vois, genre... Bah, moi ou une autre, hein, ou s'il y a des... Ah non, c'est toi que je préfère. Non, mais il a raison. Hey, il a mais raison. Moi, je propose... Enfin... Bon, faut voir si ça va plus loin, mais on peut peut-être faire un mariage à la loco. Ben oui, bah, bien sûr, c'est mais, ça. D'où est Gabi? Ben, du territoire de Belfort. Ah oui. Bon, voilà. Décris-toi, bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ouais, tout ça. À quoi tu ressembles, Gabi? Moi, je suis assez grand, je suis 1m85. Et oui. Tu gardes dans... Puis pas le temps, je suis toujours en boîte. J'ai pas compris. Tu gardes dans le... Attends, ah, c'est là que ça te vient, ce problème d'audition. La tu plupart du temps, il est en boîte. Ah. En boîte, tu gardes dans le tube du Gotha. Dans le Gotha, en décembre David 2019. Guetta. Oui. Ah, d'accord. Ouais, j'ai compris, les putes du Gotha. Regarde. Du Gotha. Est-ce que tu peux mettre une musique dance bien, bien fort? Et Gabi, tu vas continuer à parler. Tu vas voir, c'est, tout de suite, ça va te sembler beaucoup plus naturel, sa façon de parler. Tu fais chier Jack, là. Hein. Attends. Non, mais il faut la trouver, la musique dance, tu veux. Ah oui, vas-y, Gabi, tu mets une musique dance. Bon, Gabi, t'as quel âge, sinon? Ah, j'ai 50 ans. Hein? J'ai 50 ans. 50 ans! 50 oui. Ans, et il est en boîte, et ça c'est beau! Et en boîte tous les samedis soir, après la Java jusqu'à 5h du matin. Tu vois, avec la musique, t'as l'impression qu'il parle presque normalement. Ouais, c'est vrai en fait. Hein. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Voilà, donc c'est de là que ça lui vient. Et donc décris-toi alors, Gabi. Moi, 1m80. Oui, c'est en scène. Non, c'est en scène, mais quelle couleur de cheveux, en les fait, yeux, tout ça, du châtain, du marron. Bah, si t'en reste quoi. Il a perdu 5 cm en 2 minutes. Ça, non, il avait dit 1m80. 5,85. Ah oui, 5. Ouais. Ouais. Attends, on réessaye. Combien tu mesures? 1m75. 1m85, je fais 90 kilos. Combien? 90 kilos. 90 kilos. D'accord, tu ok. Tu fais quoi dans la vie, Gabi? Je travaille sur les routes, tout ce qui est dans les travaux publics, plus sale boulot. Le plus sale boulot? Oui, oh, bah, ça dépend après. Hein, Bah, si, il te le dit. Ah non, puisque les égouts, c'est comme ça, c'est les. Ah, c'est les égouts, ouais. Bah, oui, j'imagine bien. Ouais. D'accord, ok. Bon, et donc, Gabi, tu veux rencontrer Sandro et tu voudrais faire quoi avec Sandro? Se rencontrer, sortir ensemble, et puis c'est lui après, c'est pas... Ah mais elle veut, oh là là. Oh, ouais, fais gaffe, tu parles pour elle. Non, là, elle est au taquet, là. Justement, on a plus de nouvelles de Patou, elle est triste, là. Oh là, un drame, une déception. Je passe avec tout le temps, tous les jours, même le week-end. J'ai rien compris. Tu crois? Je passe avec tous les jours, même le week-end. Ah, même le week-end. Mais là, c'est chez qui? Parfois, tu t'arrêtes le week-end. Hein. À quel moment de la journée que tu penses le plus à elle? Plutôt le matin, le soir, la nuit. Qu'est-ce que tu fais quand tu penses à elle? Plus la nuit. Et tu fais quoi quand tu penses à elle? Je fais comme si elle était à côté de moi. Je dis carré, des bisous tout partout. Et tu fais des bisous à qui, du coup, si elle n'est pas là? J'imagine à côté de moi. Ah, tu l'imagines à côté de toi, d'accord, ok. Oui. C'est mignon comme tout. Est-ce que tu tâches souvent les draps en pensant à elle? Est-ce que tu l'imagines un peu coquine, un peu cochonne? Oui, moi ça me gêne pas, oui. Alors, oui, qu'est-ce que tu pas, oui. Qu'est-ce que t'imagines qu'elle te fait? Oh non, Sandro, coupe ton casque. Qu'elle caresse plus, plus. Ah, elle te? Qu'elle me caresse plus. Ah, je croyais qu'elle me suce. Mais plus, alors d'accord, ok. C'est tout alors, tu penses qu'à ça? C'est déjà pas mal. Non, t'es un mec propre, ça va, t'es pas. Non, c'est vrai que t'es quelqu'un de propre. Hein. Bon, t'as en tout cas, t'oses pas le dire. Ouais, c'est vrai. Ah, mais allez, tu composes, je te dis, c'est pas bon, trop beau. Et Gabi, et si je te propose de rencontrer Tofuru, tu. Non? Non, c'est Sandro. Salut Gabi. C'est Sandro, hein. C'est Sandro, très bien. Bon, bah écoute, alors là, bon, bah écoute, Sandro, elle a la bouche ouverte, là. Elle ne sait que dire. Elle ne sait que dire. Ah, bah c'est ça. Dans le message que je t'ai envoyé, j'ai marqué un petit mot pour elle. Qu'est-ce que t'as mis pour elle? J'ai fait un gros câlin, du gros bisou, la part de Gabi du 90. Oh, ah oui, tu m'as répondu, donc t'as reçu un message. Qui? Tu m'as répondu, toi. Qui? Alors, mais qui? T'as reçu un message. À qui t'as envoyé le mail? Moi, j'ai répondu, non, à Micha. À Micha t'as envoyé, non? Non, à Michael. Bah, j'ai reçu un message. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah bah, voilà. Alors, j'avais répondu quoi? Rafraîchis-moi la mémoire. Hein? J'avais répondu quoi? En blog. Tu m'as répondu en truc de blog. Ah oui. Oui, bien sûr. Ouais, là, j'avais répondu blog. Ah oui, je me souviens maintenant, ça a fait tilt. Eh, truc de blog. Eh oui. Parce que je suis tout le temps branché dessus, même la journée ou quoi que ce soit, je suis toujours branché sur l'énergie. Tu parles quand alors? Ah oui, donc. Ah oui, tu l'avais dit, fonction publique. Oui, fonction publique, ouais, c'est ça. Et comment ça se fait que t'as pas de femme? J'en ai eu, mais ça n'a pas marché. Ça. Ah, ouais. C'est divorcé. J'ai divorcé, puis maintenant. Elle est dans le jardin. Vous vous entendiez pas bien. Non, maintenant, c'est pas qu'elle est décédée, maintenant. Ah, merde, ah, oui, bien, oui. Bien, Jack. Ouais, bravo, bah, Jack. Oui. Non, bah oui, non, forcément. Bon, et donc, Gabi, donc, tu veux rencontrer Sandro, d'accord, ok, très bien. Oui. Mais pas une autre, que elle. Oui, que elle. Bon, ok. Eh bien. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, on va essayer de trouver une solution. Oui, moi j'aurais été dire qu'on ne trouvera pas. Bah, et la sœur de Sandro, ça ne t'intéresse pas. Tu laisses ma sœur tranquille, c'est pas possible. Que elle. Oh là là. Oui. Ouais, bah que elle alors. Hein. Bon, non, alors... mais il faut savoir être ouvert à tout. Hein. Non, il faut savoir être honnête, Sandro. Parce qu'il habite loin en plus et. Mais en boîte, tu rencontres jamais personne? Si, mais c'est un peu trop jeune où je vis, c'est un peu trop jeune. Mais elle a quel âge? Quel âge t'imagines qu'elle a, Sandro? Oh, 35, entre 35 et 40. Oh. Ah ouais, non, parce que le problème, c'est qu'elle a 18 ans. Hein. L'année prochaine? Non, quand même pas. Non, c'est trop jeune pour toi. Non, par contre, elle est jeune, elle a pas 18 ans, mais elle a 28. 18? Plus 10. Donc Gabi, elle est un peu jeune, hein. Ouais, mais qui c'est qu'il y a d'autres, alors? Comment? Qui c'est qu'il y a d'autres? Oui. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a moi, ouais. Bon, attends, on va essayer de te présenter une petite nouvelle dans quelques instants. Dans quelle ville tu habites? Territoire de Belfort. Ouais, j'habite à Chantenoy-les-Forges. Alors, s'il y a des filles qui nous écoutent là-bas. Il habite à Chantenoy-les-Forges. Chantenoy-les-Forges. Bon, Gabi, reste avec nous dans le standard. On va revenir avec toi dans un instant. On récupérera Charline, Julie et Louis aussi pour la phobie scolaire. Et puis le GAV que nous ferons dans quelques instants avec Micha. Micha! Il est enfin on va pas le faire avec Micha, mais il est premium ou pas? Ouais. Il est au-delà du premium. Ouais, ouf. Allez, pub et on revient juste après, restez là. Bouge pas. Roux compte ses économies. Ça marche. Et Mickaël revient juste après ça. Le son de Ravali Pienaar avec notre superstar sur Énergie. Dans un instant, on aura le Mac du jour. Et puis, ce soir, une question pour une réponse. Si vous voulez vous inscrire, c'est le dernier de la semaine, une question pour une réponse, puisque vous savez que le vendredi, on va chez... Jean-Claude. Chez Jean-Claude, au fucking Blue Boy. Et avant de faire le GAV, on a d'abord le retour de Gabi. Allô, Gabi? Oui. Gabi. Bon, Gabi, t'étais intéressé par Sandro, toi, c'est ça, hein? Oui. Bon, et comme elle est trop jeune pour toi, on a trouvé quelqu'un d'autre. Dis, je vais te dire une chose. Ouais, Gabi. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait des statistiques pour les... J'ai rien compris. Calme-toi. Il y a quelqu'un qui a fait des statistiques. Pour savoir quel radio j'écoutais. Ouais. Et j'ai fait la pub sur vous. Parfait. Est-ce que ça s'appelait Médiamétrie? Je crois bien. Parfait. Là, on a quadruplé l'audience grâce à lui. On voit un cadeau? Ah bah bien sûr, Gabi, on va envoyer Sandro. C'est surtout qu'on a quadruplé sur les vieux. Ah ouais, 50 piges. Une voix sur un mec de 50 piges le soir, ça vaut cher. Ah ouais, ça vaut très cher. J'ai une bonne question, j'ai tout de suite dit sur l'énergie. Il y a des autres radios, j'ai dit non, quelle énergie j'ai tout. J'écoute. Très bien. Ouais, t'as pas dit le soir. Mais t'as dit le soir. Le soir, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, c'est bon. D'accord, bon, allez, ça va, c'est bon, c'est une note pour nous. Bah, c'est sympa, merci. Ouais, merci. Ouais. C'est déjà ça. Eh ben, tant mieux, c'est cool. Bon, Elisabeth qui est là et qui voulait te rencontrer, Gabi. Ah oui. Ah, oh, ça y est, ça va. Gabi. Ah. Un problème, tu trouves. Ah. Attends, Elisabeth, doucement. Elisabeth, attends, fais connaissance ouais, d'abord. Demande-lui son prénom déjà. Elisabeth. Oui. Dis bonjour au monsieur d'abord. Dis bonjour, demande-lui son prénom, discutez un petit peu. Bonjour Gabi, ça va ? Oui, et toi ? Ouais, super. Ouais. J'ai 18 ans, tu sais. Non, t'as plus que 18 ans, Elisabeth, non ? Quel âge là ? Quoi ? T'as plus que 18 ans ? 18. Non, t'as pas 18 ans. Non, t'as plus 18. 28, t'as 28. Ouais, 28, ouais. Mais non, t'as 38, non ? En fait, t'as l'âge qu'on veut, quoi. T'as 38. C'est 38 que t'as. 40 de chaleur. Oui. Bah, c'est parfait. Très bien. Bon, allez-y, parlez ensemble. Gabi. Oui. Moi. Oui. T'as une copine ou pas ? Non, je suis tout seul. Ah, c'est bien. Moi, je t'assure que là, je suis vraiment en manque. Je recherche vraiment l'homme de ma vie. Ah oui, l'homme de ta nuit. L'homme de ma vie, ouais. Je rêve de toi. J'ai peur. Pas Gabi, c'est Alf. T'as les cheveux de quelle couleur ? J'ai les cheveux châtains. Ah ouais, c'est bien les châtains, moi. Écoute-moi, tu sais ce que tu vas faire ? Oui. Hein ? Défais ta ceinture un petit peu de ton jean autour de ton jean. Défais-toi, vas-y. Allez, j'ai envie. Hein ? Voilà. Allez. Oh, nostalgie, là, j'ai mal au cœur. Allez, maintenant, ce que je vais faire, enlève ton boxing. Ton boxing, c'est un boxeur, ouais. Allez, chez vas-y, elle, vas-y. Sinon, j'ai ça aussi, hein. Allez, maintenant, j'ai envie de prendre ta petite dans ma bouche. Mélange pas les musiques avec ça, s'il te plaît. Allez. Tu sens ma langue ? Gabi, regarde. Allez, moi, je prends autre chose. Moi, je prends autre chose dans ma bouche. T'habites. Oh, Elisabeth, Elisabeth. Sens ma langue. Ils nous entendent pas. Hein. Non, mais moi, je passe autre chose. Bouffez ta bite. Allez. La pauvre, elle est en manque. Tiens, touche-moi les soins, s'il te plaît. S'il te plaît, hein. Moi, je fais autre chose. Non, j'exagère pas. Allez, Gabi. Elle est bonne, ta bite. Je te passe tout, je les envoie, les filles. Ah oui, allez. Il a même pas temps de terminer sa phrase. Ah oui, ça va mouiller là. Allez, pénètre-moi. J'ai plus loin, ta voix d'amour et tu as tué. C'est qu'à ton but. Allez. Et tu as tué. Là, c'est moi, c'est ta voix d'amour. À fond. Oh, j'ai envie de sentir ta langue dans ma langue. Et tout dans ta... Moi aussi. Oh. Je vais que ça sans rire. Elle oublie la Gabi. Hein. Allez. Ça, t'es bon, Gabi. Oh là là, on est dans un état là. Allez. Eh ben, c'était le meilleur chéri que je t'ai fait pour Michel, bravo. Il y a Emily sur le groupe Facebook qui dit que vous êtes en train de débarbouiller des fois. En plus, ils sont hyper bons et tout. Voilà. Et Arkane qui dit mort de rire. Le lait bébé Mustella. Elisabeth et Gabi, le couple parfait. Ah oui, ça c'est clair. Tu vas grimper au mur. Tu vas grimper au mur. J'ai envie de sentir ta bite dans mon cul. Vous prenez après le mag. Oui, restez ensemble. Bon, Elisabeth. Oui. Elisabeth et Gabi, mettez sur pause. Calmez-vous et on vous reprend après. D'accord ? Ouais. Voilà. Astiquez-vous, touchez-vous, faites comme vous voulez pendant qu'on revient, d'accord ? Oui. Mais elle peut, t'imagines, oui. T'imagines, elle a, je sais pas, sa banque qui l'appelle. Oui, bonjour, madame Elisabeth. Ou... Ah oui. Défonce-moi la ouais. chatte. Je suis à découvert, c'est pas grave. Prends-moi. Non, mais viens me mettre une bite dingue. C'est dingue, ça, quand même, putain, c'est ouf. Bon, on va se mettre un peu de son et puis on fera le mag, hein. Ouais. Oui, hein, c'est une bonne idée. Ah bah, bah parfait, tiens, Christophe Maé avec J'ai laissé des traces. Christophe Maé avec J'ai laissé sur Énergie. On va reprendre dans un instant le couple du futur. Hein, le couple Elisabeth. Star. Ah ouais, Elisabeth et Gabi dans quelques instants, rassurez-vous. Et puis on appellera le gagnant pour l'iPad, on récupérera Charline, Julie et Louis aussi par rapport à la phobie scolaire. Et puis on va, pour une fois on n'est pas trop en retard, c'est cool. On va se faire le mag du jour maintenant, bienvenue à tous dans ce mag du jour, un tour d'horizon de l'actu. Condensé et revu à notre sauce et on attaque avec ce premier titre dans l'actu. Bon, je vous cache pas qu'on a un peu galéré aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas trop d'infos et donc forcément beaucoup de poissons d'avril, hein. Mais bon, on va le faire quand même. En Seine-Saint-Denis, un reportage diffusé sur TF1 lundi a entraîné une saisie d'1 million d'euros mardi liée au trafic de drogue, laquelle a entraîné l'incendie d'un bus à Tremblay en France mercredi. Ah, c'est top la semaine sainte dans le 9-3. Ouais. Vivement dimanche qu'on est la fin de l'histoire. Mais bon, en tout cas, les riverains commencent à avoir très très peur. Hein. Ouais, bah... En même temps, faut pas s'étonner, c'est eux qui ont choisi d'habiter à Tremblay en France. Oui, oui. Bon, on reste en France avec Nicolas Sarkozy qui a décidé de ne pas revenir sur ses décisions concernant le bouclier fiscal. C'est le truc qui permet aux riches de ne pas payer plus de 50% de leurs revenus en impôts. Voilà, ouais, donc en gros, le but c'est d'éviter que les grosses fortunes se cassent à l'étranger, quoi. Et comme quoi, pour rester en France, quoi qu'il arrive, faut que tu aies les papiers dans ton portefeuille. Voilà. Bon, et puis France toujours, on s'est aperçu que les vêtements pour enfants étaient trop petits. En effet, plus aucune mesure n'avait été faite depuis 60 piges. Oui, évidemment, en 60 ans, bah, les morphologies elles changent. Oui, ouais. Bah, on s'est aperçu que les enfants sont bien plus grands et larges que, bah, que ce qui est étalonné pardon, par les fabricants de fringues. Et ben voilà, c'est pas moi qui suis trop forte pour le 36, c'est le 36 qui est mal étalonné. Ouais, qui veut un Mounty ouais. Bon, le moment est venu de passer au con du jour avec Larousse. Ouais, et comme on est le 1er avril, c'est un con du jour spécial. Poisson d'avril. Ouais, bien joué. D'accord. Ça se passe en Grèce et là-bas, on rigole pas énormément. Donc, ouais. Comme partout, les journalistes glissent des fausses infos le 1er avril. Ah, on rigole bien. Qu'est-ce que c'est pour qu'elle va, mais bon, oui, pourquoi pas. Voilà, justement. Eh bien, mon compte du jour a alerté la population via la radio en expliquant qu'un terrible accident avait eu lieu. Une tour s'était effondrée, causant des milliers de morts. Ah ouais, putain, c'est drôle. Évidemment, c'était du mytho et ça a causé la panique dans tout le pays. Ah. Résultat. Il est emprisonné pour un bon bout de temps. Ah oui, quand même, la tôle. Bah, ouais, tu me dis, c'est vrai, ça se trouve, ça a causé des morts. Non, mais c'est con de faire une blague comme ça. Oui, là, pour la peine, c'est complètement idiot, effectivement. Bon, allez, on passe au sport, football. Raymond Domenech était le parrain d'une œuvre caritative aujourd'hui. Il soutenait une fondation qui lutte contre l'autisme. Ouais, c'est quand t'as des anomalies orales, que t'as du mal à parler aux gens et que t'as peu de centre d'intérêt. C'est bien ça, ouais. Je comprends qu'il se soit senti concerné. Oh, et puis, équipe de France toujours, on connaît le nom du successeur de Raymond Domenech, justement. Il s'agit d'Emmanuel Petit, ancien champion du monde. Pas sérieux, là. Ben non, c'était un poisson d'avril du journal L'Équipe. Ah, il y a un mec qui a cru qu'il a repris l'info. Ah ouais? Sur un site internet, ouais. Ah, quand même, donc ça a marché. Ça a marché pour un mec. Bon, et pour terminer... Il a dû être vexé, Petit, hein. Il a joué le jeu, hein, Petit. Ah ouais, il a donné une interview et tout pour faire le buzz du truc. Bon, et pour terminer, Raymond Domenech dévoilera la liste des Bleus qui partiront en Afrique du Sud relativement tard, à savoir le 11 mai. La raison est qu'il attend le jour de la Sainte-Estelle pour donner les noms. Oh non, tu relous, mec, c'est encore un poisson d'avril, ça. Ah non. Putain, bah heureusement que sa femme s'appelle pas Glinglin. Non, la honte sur toi et toute ta famille, Jack, pour cette blague. Bon, en même temps, hein, je vous avais prévenu au début du mag, c'était spécialement axé sur le 1er avril. Bon, sur ce mag du jour touche à sa fin. Avant d'y mettre un terme, on va passer immédiatement au quiz des citations. À votre avis, qui a dit « Mon premier baiser, je m'étais entraîné à l'école juste avant avec la gomme. » Ah oui. Ah ouais, putain, pauvre gars. Putain. Une pauvre meuf. Elle l'a dit ce matin, ici. Ah, elle, en plus, donc. Ils ont eu qui ce matin? Ah non, Alizé, c'était hier. Oui, ça aussi, c'est l'annonce qui a été faite aujourd'hui, 1er avril, Alizé sur son album. Oui, non, mais ça, c'est pas. Oui, c'est vrai. Je sais. Attends, ils avaient qui ce matin? Ah, ça, je sais pas. Bah, réfléchis. Bah, Kesha? Non. Une française? Laurie? Stromae? Voilà. Non, ça, c'était avant. Laurie? Non, oui, non. J'allais dire oui, mais non, en fait, non, je suis con. Non, vraiment pas elle. Ah, Stéphane, non, la blonde, là, Stéphane, de la femme de... Miss France. Ah, non. Ah, Monica Ménard. Non. Mais... Je me dis que c'était l'actuelle. Valérie Beg. Non. C'est une Miss Sophie Talman. Sophie Talman. Non, sa fille. C'est celle, mais c'est mignon, sa fille. Rachel Legrain Trapani. Non. Sonia Roland. Non. Il y en manque une. Hein. Ah, la femme du Rosenfeld. JT. Rosenfeld. La femme du JT. Laurence Ferrari, elle n'a jamais été Miss. Non, la femme du Bec qui fait le JT. Pernod. Nathalie Marquet. Non. On les a pas toutes faites. Bon, vas-y, Michel. Ouais, non, on les a pas toutes faites. Miss France, ça fait. Oui, non, mais d'accord, ouais. Bon, elle est pas si vieille, hein. Kelly Boschenko. Presque. Elodie Gossuin. C'est un petit mauvais. Ah, Elodie Gossuin. Ah, bah oui. Bon, allez, deuxième essai. Deuxième question. Qui a dit si un jour j'achète un sac à 2 500 €, il faudra m'interner? C'est une actrice? C'est. Oh, ouais. Pff, oui, oui. Oui, oui, si, si, elle va sortir un film. Elle va sortir un film. Vanessa Paradis? Non. Merde. Elle était Madame Doré, maintenant elle n'est plus. Ah, ah, Louise Bourgoin. Louise Bourgoin, bonne réponse. On n'est jamais son nom. Et qui est. Ben voilà, Louise Bourgoin. Ouais, mais demain j'en oublie. Et qui est. Et Sandro qui bouge les jambes, donc du coup t'as tous ces nibards qui poussent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Oui, parce qu'ils sont. C'est un sous-type spécial. Ben, ouais, on voit ça, ouais. Ouais, ouais, ça leur permet de respirer un peu, de faire du sport. De faire du sport, bien sûr. Bon, qui a dit la première fois que je suis venu à Paris, je trouvais que même le périph' était beau. Donc. Faut vraiment vouloir. Hein. Ah ouais, non, ouais, mais tu sais, les kiffs sur Paris. Evangélie hein. Non. C'est pas méchant. Les gens qui montent à Paris, les gens qui montent à Paris pensent que c'est un truc magnifique, quoi. Bah ça l'est. Tu bah c'est magnifique Paris. Non, non, c'est vrai, mais ils ont tendance à embellir les trucs. Pas le périph. C'est pratique. Alors, les quais, c'est magnifique. Les quais, oui. L'indice. Elle a fait un duo avec l'ex de la meuf de la citation d'avant. Avec Julien Doré. Avec Cœur de Pirate. Ouais, mais Julien Doré, il s'est tapé tout Paris, je crois. Bonne réponse, Cœur de Pirate. C'est bien ou bravo? Cœur de Pirate, c'est quelqu'un? Oui, mais enfin, on connaît pas son vrai nom. Ouais. Bah, c'est Cœur de Pirate. Voilà. Le nom du groupe, en fait. Allez, fin du mec du jour, autour du mec du jour, à nos jours. On va récupérer, promis, Charline, Julie et Louis dans un instant. Et on va faire le gagnant pour l'iPad maintenant avec Fanta. Le son est passé tout à l'heure. Et ouais. Il est déjà passé, donc c'est bon. Allez, on y va. Et Amélie qui dit que vous êtes des trisomiques, pervers et psychopathes. Oui. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Allô, Christophe? Oui. Salut, Chris. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, ça va? Ouais, super, super. T'as entendu le signal? Ouais, tout à fait. Et ben voilà, hop, l'iPad pour toi d'Apple en exclu total qui arrivera très rapidement. Génial, merci beaucoup. Quoi. Grâce à Fanta et à nous, c'est gagné. Bien. Voilà, mais c'était mon anniversaire aujourd'hui en plus, donc ça tombe bien. Ah bah super, bah bon anniversaire Christophe. Ouais, merci beaucoup. Salut à toi Christophe. Super cadeau. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. Bon, retour dans un instant. J'avais dit que je donnerais les résultats aussi du foot. Tous les matchs sont finis là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah 2-1 pour Fulham et Wolfsburg. 2-1 pour Hambourg et Standard de Liège. Hein? 2-1 pour Fulham contre Wolfsburg. Oui, contre. J'ai dit quoi? Pour. Ah oui, pour, oui, ça veut rien dire. Ouais. 2-1 pour Hambourg face au Standard de Liège. 2 partout pour Valence face à l'Atlético Madrid. Et puis Benfica 2-1 face à Liverpool. Voilà, c'est les matchs. Donc c'était le quart de finale. Aller de la Ligue Europa. J'allais faire une vote sur le PSG. Eh ben, je la fais même pas. Non, mais ben, la fais pas. C'est tu vois facile. J'allais dire, mais où est le PSG? Allez, on écoute Example maintenant au One Go Quietly. On revient juste après. Quietly, et à chaque fois je me fais avoir par la fin, à chaque coup quoi. J'oublie. Bah tant pis, on va couper le morceau, ce sera plus simple. Oui, voilà, enlevons la fin. Bah oui, on va enlever la fin, ça sera tellement plus facile. Bon, avant de reprendre Elisabeth et Gabi, le couple du futur, on a Charline le retour, Julie et Louis qui voulaient donner son avis en dernier là. Charline qui nous avait appelé par rapport à la phobie scolaire en début d'émission, Julie qui avait son problème, Charline qui avait réagi, et Louis qui voulait également donner son avis dans tout ça. Salut Louis. Bonsoir Mickaël, bonsoir toute l'équipe. Comment vas-tu? Bah ça va et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien aussi. Hein. Alors Louis, t'avais ton avis à donner, toi on t'écoute. Bah en fait la phobie scolaire c'est un constat que j'ai fait au fil de ma scolarité. C'est genre, quel âge as-tu? J'ai 15 ans. 15 ans, d'accord. Tu sais, j'ai l'impression d'entendre un mec qui a 72 ans, c'est à l'époque, quand j'étais à l'école jadis, tu vois, bon. Après tout ce que j'ai vécu. Bon alors dis-nous ce que t'as vécu au fil de ta scolarité. En fait, si tu veux, je m'en suis rendu compte grâce à un mec, en fait, que je connaissais, enfin, je connais, il te fait qu'à lui carrément arrêté l'école à l'âge de 16 ans quand il a pu arrêter, parce que, on sait pas, phobie scolaire, mais faut dire que ses parents le couvraient énormément, c'est un mec qui a jamais rien fait tout seul. D'accord. Donc il a arrêté l'école. Et si tu veux, je m'en suis rendu compte maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est quand quand j'étais en quatrième, bon bah je faisais pareil. En fait, en écoutant votre radio, je me suis un peu rendu compte aussi de ça. Parce que je mangeais beaucoup, parce qu'on est énormément stressé, on a la phobie du raisin. On veut tout le temps le résultat, donc on est. Attends, tu dis qu'en écoutant votre radio, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte maintenant que ça correspondait à ton profil? Bah, si tu veux, non, je m'en étais rendu compte avant, mais comme les détails de la fille qui arrêtait pas de manger parce que si tu veux laver ça, je me suis. Des fois, tu le sais, mais t'as besoin de l'entendre. Ouais, lui, le fait de l'entendre, et oui, effectivement, il s'est reconnu et il a mis des mots sur son problème. Mm-hmm. Ouais, c'est possible, ouais, c'est vrai. C'est maintenant qu'on fait un constat de ça, en fait. D'accord. Donc, il y a un peu tout aussi. Il y a on veut réussir, on a le stress des parents derrière son dos, on a plein de trucs comme ça qui font que, en fait, on veut tellement réussir. Enfin, moi, je sais que je voulais réussir. En fait, bah, l'école, c'était devenu sortir. Enfin, c'était devenu carrément stressant. J'avais plus envie d'y aller. J'avais mal au ventre. Tous les trois jours, je repartais chez moi parce que, bah, le stress. Mmh. J'arrêtais pas de bouffer. Mais c'est normal. C'est-à-dire que si ces profs idiots ne mettaient pas des notes, c'est où ouais, tu souhaites ton dur pour en avoir. C'est le grand débat. De mettre des notes. Hein, non, mais je plaisante. Non, mais oui, mais enfin. Même des profs, les profs eux-mêmes disaient que ça les faisait chier de mettre des notes. Quoi. Bah oui, mais il y a un moment, il faut quand même savoir ouais, si ils ont trouvé d'autres solutions. Ouais. Tu veux mettre quoi sinon à part des notes? Oui, mais le but de l'école, c'est pas que l'autre soit meilleur que toi. C'est t'apprendre. Non, c'est pas ça. Oui, mais c'est de t'apprendre. Mais c'est le seul moyen, je pense, en tout cas, de savoir si effectivement t'as retenu ou t'as pas retenu. Ah, de peut-être y avoir d'autres moyens, mais qui les connaît? Bah, trouve la solution, hein, tu seras pas triche. Oui. Non, parce que même s'il y avait des solutions, il serait pas prêt à l'appliquer. Oui, il y aura des grèves. Voilà. Non, mais c'est ça le problème. Mais c'est vrai qu'on t'apprend depuis tout petit. La concurrence. Non, et puis on te juge. Oui, ça aussi, ouais. Et puis après, il y a la concurrence. Il y a les notes, oui, la concurrence, tout ça. Ça, c'est clair. Puis il y a les profs qui rabaissent aussi, des fois. Oui, ouais. Enfin, pas tous non plus. Moi, j'ai eu des profs très cool. Non, mais attention, du cul aussi. Il y a des trous du cul aussi, et ça peut ruiner un gamin, ça. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Charline ? Oui ? Ça gueule derrière toi, pendant qu'on parle. Eh ouais. Tu es toujours là, Charline, hein ? Oui, d'accord, ok, c'était pour savoir. En tout cas, t'es dans tes chiottes, là, a priori. T'es dans tes chiottes. Eh ben tant mieux, écoute, ça nous fait plaisir que tu. Ma mère essaye d'avoir la station et je lui dis qu'elle l'aura pas parce qu'on capte pas. Donc. Ah oui, c'est pas pratique. Et puis surtout qu'elle mette pas la radio, sinon ça va faire un écho, même si vous la captiez d'ailleurs. Bon, Louis, donc effectivement, ton avis était bon. Julie, je sais pas si t'as envie peut-être de discuter un peu avec Louis, plus elle-même. Wow. Ouais. Non, tu t'en branles, tu me dis, moi je force personne. Non. J'ai cru qu'on allait faire deux couples dans la même soirée, mais non. Non, mais attends, le premier c'est pas un couple, c'est-à-dire que là. Je suis déjà en couple. Ah, t'es déjà en couple? Bah voilà. Et qu'est-ce qu'il dit de ça, ton mec? Tu lui en as parlé? Bah ouais, bah. Ah, mais c'est un des mecs qui m'insulte tout le temps. Alors là, mec. Donc, qu'est-ce qu'il en dit, ton mec? Bah, il dit comme vous, quoi, que je devrais les retraiter derrière ou. Non, même pas, il faut que t'apprennes à. Faut pas que ça te touche toi personnellement, parce que tu seras confronté toute ta vie à des gens qui vont t'insulter. Ouais, ou qui te font te faire des remarques, si t'es confronté à ça tout le temps. Il faut ignorer. Je vais donner un exemple con, mais ça marche. On travaille avec deux gogoles. Enfin, il y en a plus que deux. Oui, hein. Mais j'ai un exemple plus concret. Ah. Là, on travaille. Je vais donner ces deux gogoles là qui sont Polo et Pablo. Ils ont leur bureau juste en face du. Enfin, personne n'a son bureau. On l'a squatté. Enfin bref. On se retrouve au même endroit. Et si tu veux, il y a un moment, ils sont tellement en cinéma constant avec Micha en plus, les trois là d'affilée, c'est un drame. Ouais, parce que c'est les trois bureaux côte à côte. Hein. Ah ouais. Et donc, moi, je suis devant, et ça gueule, et ils se frappent. Et bon, au final, c'est moi, je suis dans mon truc, et j'entends, parfois je rigole, parfois je trouve ça pathétique, mais bon. Et donc, parfois, j'écoute des radios, j'écoute de la musique, et leur nouvelle manie, c'était que j'étais amoureux et que Jared Leto était amoureux de moi, qui voulait coucher avec moi, une grande histoire d'amour. Et dès que le son passait, hop, c'était Pablo avec la même vanne. Oh, mais dis donc, ce ne serait pas Jared Leto, là, le groupe, là, tu as un Michael. Bon, au début, tu disais, ferme ta gueule. Et tu répondais, et alors, et ils en mettaient une couche. Non, il faut pas calculer, moi, voilà. Je fais la méthode du chat mort. Ils ont arrêté. Le chat mort, c'est-à-dire, tu fais genre, tu ne calcules pas, quoi. Tu ne lui réponds pas, tu le regardes même pas. C'est ça. Et maintenant, ils ont arrêté, tu vois. Ils arrêtent. Ils ont trouvé une autre victime, Micha. Et quand on a testé ça, mais qu'ils continuent, qu'ils ravagent tout le temps ça, et que ça marche pas, mais ils ignorent. Après, on sait vraiment ce qu'on va faire quand on a déjà tout testé, quoi. Ouais, mais c'est que t'as pas ignoré assez longtemps. Mais non, c'est pas. Ah, mais c'est dur d'ignorer. Je sais que c'est dur d'ignorer, mais ça, je dis pas le contraire. C'est parce que. J'ai ignoré pendant un an. Ah ouais, mais oui, je suis d'accord. Mais quand on dit ignorer, il faut aussi que t'essayes dans ton, comment dire, dans le regard, dans ta façon d'être, de bien montrer que tu t'en branles, quoi. Bah, parce à partir du moment où c'est pas parce que tu parles pas, mais que tu réagis genre, tu vois, pas. S'ils sentent que t'es blessé, et ben ils vont continuer. Bah, voilà. Même et si effectivement tu réagis pas. Il faut surtout pas que ça te blesse parce qu'ils sont inconscients, ils savent pas eux que comment ils te font du mal. Je suis pas sûr qu'ils soient conscients de ça. En fait, ou alors c'est des gens qui souffrent réellement dans leur famille, qu'on ait des vrais problèmes et qui répercutent sur les autres. Il y a un truc aussi, Julie, tu me diras peut-être Charline ou Louis si je me trompe, mais le fait de ne pas répondre, ça veut pas dire que ça vous touche pas. Et ça veut pas dire qu'ils ne le voient pas, les mecs qui vous font chier. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à se dire et à se merde, comment dire, se persuader vraiment. Que on s'en branle. Le mec, il te fait une remarque, et ben il te fait la remarque, et tu t'en fous. Ouais. Et ça changera pas ta journée, ça changera pas ta soirée, ça changera pas ta vie. Ouais, et mais c'est comme ça. C'est du discours, ça. Non, c'est mais pas non, vrai. Moi, c'est déjà pas fait. Vrai. Non, mais franchement, je l'ai fait aussi. Hein, à l'époque, quand j'étais petit, j'étais un petit gros à l'époque, tout le monde me cassait les couilles. À partir du moment où t'arrives à contrôler tes pensées, bon, vous allez encore me prendre pour une tarée, hein. Mais à partir du moment où ça ne te touche plus, où ça ne te blesse pas, mais comment t'en as rien à foutre, c'est un truc de ouf. Mais c'est vrai, mais la raison, c'est ce que je viens de dire, mais avec ses moelles, quoi. Voilà, c'est ce que tu viens de dire. Parce qu'on dit toujours que je suis toujours à côté. Vraiment de... taré, hein, je pense bizarrement. Donc voilà, Julie, c'est clair que c'est pas facile et qu'effectivement, c'est un discours, hein, je suis d'accord. Non, mais après, ça dépend des tempéraments des gens. Il y a des gens qui peuvent pas. Elle va pas se niquer sa jeunesse ou sa vie pour ça, quoi. C'est vraiment c'est de la connerie de gamin à balle de. Mais toi qui veux faire de la radio, trouve des vannes, alors balance la gueule. C'est même pas ça, c'est surtout si tu veux faire de la radio, c'est un peu pareil. Dans tous les boulots, j'imagine, mais tu vas être confronté toute ta vie à des gens qui vont te faire des remarques. Ça sera ton boss plus tard, tu vois, quand il sera pas content de ton taf ou quoi. Faut que tu te renforces. Je me doute, mais quand on. C'est moi, à l'école primaire, je me disais, bon, bah au collège, ça va passer, ils vont mûrir. Puis au collège, on se dit, oui, au lycée, ça va mûrir. Ouais, mais je sais, ouais. C'est pour ça qu'il faut pas faut pas se dire, bon, bah ça ira mieux plus tard. Il faut vraiment que tu agisses et tu as besoin. Ça se trouve, tu as juste besoin, oui, d'en parler, de poser des mots là-dessus. Donc peut-être que si tu vois un médecin. Il va te diriger vers un psy et ça te coûte rien d'essayer. Ça te coûte peut-être rien. Peut-être que ça va t'aider à évacuer et que tu te sentiras mieux aussi. J'ai déjà pensé, mais je parle pas facilement. De toute façon, il va falloir à un moment donné que tu te bouges, que ça parte de toi, que ça vienne de toi, que tu fasses le premier pas. Moi, j'étais voir un psy, ça m'a fait vachement du bien. Ça m'a fait du bien sur le moment et c'est revenu après. Quoi. Oui, mais ça dépend que... après. Ouais. En tout cas, t'as eu la force d'essayer. Et puis, comme tu dis, ça t'a fait du bien sur le moment. C'est déjà un début. Il y a des gens pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marchera pas, mais si t'essayes pas, faut faire le premier pas. J'ai déjà pensé, et j'arrive pas à demander à mes parents d'aller voir un psy, quoi. Et si tu passes par l'infirmière du collège? Oui, ou par une. On en a déjà parlé avec l'infirmière. Ouais. Du lycée, et j'ai pas donné suite, quoi, parce que Mais j'hésite franchement. Mais pourquoi t'hésites? Mais n'hésite pas. Qu'est-ce que ça peut te. Au pire, ça fera rien de plus. Au mieux, tu seras aidé. Donc t'as rien à perdre. T'as peur de pleurer devant tes parents? C'est quoi? T'as peur de leur faire du mal? Bah non. Voilà. Alors, je te pose pas de questions. Hein. Vas-y. Hein. Arrêtez de perdre du temps. C'est clair. La vie est courte. Regarde Sandro, elle a presque 30 piges, la pauvre. Mais ouais, ça passe vite. Non, mais sérieux, quoi. Ouais, mais mes parents, ils ont énormément de problèmes avec mon frère. Ils ont explique. Donc oui, mais c'est pas. Non, mais c'est pas la même chose. Ouais, non, mais ils doivent gérer mes problèmes en plus, ça va pas aller, quoi. Mais non, mais non, mais attends, après, c'est peut-être dur. Si tu vas voir un psychologue, c'est pas eux qui vont t'écouter, c'est le médecin qui sera là avec toi. Et puis ils ont deux gosses, tu vois, c'est pas parce qu'il y en a un qui a des problèmes que l'autre, ils doivent tout prendre sur la gueule et puis au final, ne pas se faire aider, hein. Tu peux y aller toute seule chez le psychologue, non? Oui, je pense, ouais, si tu vas dans un planning familial, je crois que tu peux t'arranger aussi avec eux. Ouais, je crois. Ouais, je sais pas aussi. Non, mais Julie, t'as pas l'air très débrouillarde, hein. Non, mais ce qu'elle a pas envie, elle a du mal à faire à se lancer, quoi. Mais si t'as juste à dire à tes parents de te prendre un rendez-vous, tu y vas toute seule. Bon, et ce qu'on va faire, Julie, ce qu'on va faire, c'est que je vais te repasser Micha va regarder tout près de ta ville où il y a un planning familial et comme ça il te donne le numéro de téléphone, l'adresse, le site internet et tout sera ouvert pour toi. Et arrêtez de perdre du temps. Ah, ça, je te confirme. D'accord, Julie? D'accord. Bon, et allez, on compte sur toi. Quand tu nous rappelles, t'iras mieux, ok? D'accord. Bon, allez. Une dédicace? Vas-y, ouais. Alors, je fais une dédicace à Marie, ma cousine, à Lucas, mon copain, ouais. À Fanny, Myriam, son frère et mon cousin, si écoute. D'accord. Bah, écoute, le message est passé, Julie. Je te fais des gros bisous. Merci à Louis également d'être passé. Pareil pour Charline. Vous repartez tous au standard. Nous, on va revenir dans un petit instant. Et maintenant, je trouve que t'es folle. Pourquoi? Je sais pas, tu traces des lignes droites sur une feuille blanche. Non, pas droite, hein. Oui, enfin bon. Non, c'est un arc-en-ciel que je fais. Ah, noir et blanc. Un bah, c'est pas noir et blanc. T'as qu'à m'acheter des feutres. Oh merde. T'en avais acheté. On t'en a déjà acheté. Arc-en-ciel, c'est un signe positif. Tu les as laissés traîner partout dans ta chambre. Alors, mec, va ranger ta chambre, apprends tes feutres. Ma chambre, elle est pas rangée. Ouais, bah ouais. C'est vrai. Ah, voilà. Bon, il y a des places pour Hull City également à gagner en VIP à Londres. Si vous voulez choper des places, c'est bien que ça se passe. 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez City avec vos coordonnées complètes. Vous irez tout frais payé direction Londres en VIP. 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez City avec vos coordonnées complètes. On revient dans un instant avec un excellentissime son US Flowbots. Ce sera White Flag Warrior. Bouge pas. Jack continue de réfléchir à tout. Pourquoi il a fait un blanc hier soir? Et Mickaël revient juste après ça. Le son de Flowbots à l'instant, dernier single avec White Flag Warrior. Et le nom du mec avec la voix aiguë là, qui chante plutôt rock, c'est le même qui est dans le groupe Rise Against. Voilà, et puis tout à l'heure on se mettra le nouveau son de Slash également, l'ex-guitariste des Guns N' Roses qui a sorti un nouveau son, By the Sword. Il est en solo, non? Il est... Bah c'est-à-dire que oui, enfin c'est pas lui qui chante quoi. Ah ouais, je pensais. Qu'est-ce que les gens ont pensé de ce morceau? Je sais pas, je leur ai pas demandé leur avis, mais je vais te dire ça dans quelques instants. La première fois que je l'ai mis, en tout cas, ils avaient pensé un peu comme moi. Tu l'as déjà mis? J'ai déjà mis, ouais. Ah bon? Ah ouais, je l'avais déjà mis, ouais. Il y a Delphine qui dit Big de bon son, il y a Antoine qui dit j'aime pas trop Flowbots, mais de toute façon ils sont plus omnubilés par Elisabeth et Gabi pour l'instant que par les sons qu'on met, je te le dis direct. Bon, donc voilà, donc on fera la question pour une réponse dans un instant. Avant ça. Allez. Le retour. Hello. Gabi. Oui. Elisabeth. Oui. Mickey. Toujours de... Mickey. Non, moi, Mickey. Mickey déjà, moi, personne Mickey. M'appelle Mickey. Non. Attends. C'est Gabi. Il y a Leroux. Il y a Leroux qui l'aille faire des cafés. Ou Anisha qui l'aille faire des cafés. Tout de suite. Si vous d'accord, avez des cafés. On y va, on y va. C'est gentil. Anisha, tu dois me payer un café. Faire des cafés. Oui, oui, on... comment il doit les préparer aujourd'hui. Oui, oui, on va aller faire un café, hein. Un choco pour moi. Tu dis comment? Je lui ai dit qu'il fasse les cafés, je lui ai donné ma recette. Alors, d'accord, à ma on a compris. D'accord, pas de problème. C'est pas pour les chiens. Vous avez eu le temps de faire connaissance, plus voilà. Ample connaissance. Vous avez discuté un peu en antenne ou pas? Ah bah bien sûr, ouais. Alors on a discuté en antenne. Et alors? Et ouais, et donc comment il serait d'accord, donc qu'on fasse des fantasmes. Comment? Comme si on était dans un hammam. Attends, répète, on n'a pas compris. J'ai rien compris. Dis-nous, Gabi, si. Oui. Gabi, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, attends, on va demander. Attends, Elisabeth, on va demander à Gabi, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je sais pas si on comprendra bien. Mais... On n'a pas causé après, entre. Ah, vous avez pas causé? Ah, non. Ah, si, on a causé. Ouais, ah, non, on a causé. Ah, mais elle parlait. C'est à ce moment-là où elle a raconté à Micha, entre guillemets, comment faire les cafés. Tu parles dans le vent, ma pauvre. Ou alors elle parlait avec Micha. Et c'était avec Micha, vous avez un délire. Non, je pense qu'elle parlait dans le vide. Hein. Ah bon, d'accord, non, ok. On va pas parler dans le vide. Oui, c'est bah, bon, non. Non, pas. Non, oh, non, toi. Non, mais c'est des secrets, c'est la vie intime. Ah oui, d'accord, voilà, c'est des secrets. Ah oui, pardon. D'accord. On va pas raconter des secrets. Non, mais bien sûr. Bon, Elisabeth, et Gabi, on en était où alors? Bah là. Oui, on était là, oui, oui. On va passer à la vitesse un peu supérieure. Ah, déjà, ah, encore. On était dans le hammam. Oui, voilà, vous êtes dans le hammam. C'est bon. Mise en situation. C'est chaud, tout. Dans les bains. Le sang et tout, tu sais, des bains qui bouillonnent et tout. Ça y est, on est nouveau dans un. Ah, ouais, et puis j'aime bien, tu sais, la chaleur du hammam, Gabi, tu sais. Tellement. Là, on est... J'aime bien sur l'amour dans l'eau. En fait, c'est la vitesse supérieure, c'est elle qui parle plus vite. Ouais, c'est ça, en fait. Il n'y a rien de plus, sinon. C'est bon, Gabi. Moi, j'attends qu'elle annonce les buts dans la chaîne. Je sais pas, en même temps, elle arrête pas de parler, lui, on comprend pas ce qu'il dit. Il nous entend pas, là. En tout cas, je suis désolé, Sandro, de t'avoir cassé ton cou avec quelqu'un d'autre. Oh, je suis dégoûtée. Tu pénètres et tout dans l'eau. Pénètre dans l'eau. Ah ouais. Ah bah oui. Ah ouais. Il faut dire à Elisabeth qu'il laisse pas avec Gabi. Ah oui. On a un certain Dorcel au téléphone qui est très intéressé. Tu serais d'accord pour qu'on fasse un 6-9, là, maintenant? Un 6-9. C'est un peu tard, hein. Ah, 6-9. Oh, écoute, je suis la vie. Hein, ouais, bien, tu sais, j'ai vraiment besoin de la sucer et tout. Et tu me suces, ma chatte. Tu vois, j'en bien plus de temps et tout. Je ne veux rien dire. Ah oui. En fait, je comprends qu'elle ne le laisse pas parler, on comprend rien. Ariana, tu sais. Ah, elle ressemble à Rihanna. Imagine un peu. Hein, tu fais de l'amour avec une fille qui ressemble tu à Rihanna. Tu sais, moi, je suis vraiment le sosie. Et encore mieux que Rihanna, tu sais. Ah, bah avec oui, alors, ouais, je pense. Chaud, ça. Tout. Oh, allez. Le show à fond, moi. Hein? Tu peux arracher les rideaux, hein, parce que. Ah oui. C'est toujours dans la main, là. Mais tout le monde est en train de c'est ça. Ouais. C'est dingue, c'est dingue. Tu peux les dans toute la même, hein. Ah, oui. Hé, Gadi, Gadi, s'il te plaît, j'ai envie de faire l'amour, tu sais, en plus de ça, t'es chaud et tout, fais-moi l'amour, et puis donnez pas de capote, parce que la capote... Ah non, Elisabeth, tu viens à peine de le rencontrer, enfin, t'es complètement inconscient. Ah, mais on n'entend pas. Elisabeth tu viens de le rencontrer, tu veux pas de capote, t'es complètement inconsciente. Oh là là là, il parle même pas. Oh, c'est incompréhensible. Façon, j'ai confiance en Gadi. Non, mais non, le problème n'est pas là, Elisabeth. Elisabeth. Oui, le problème n'est pas la confiance. C'est pas marqué sur sa tête s'il est malade ou pas. D'autant plus que tu viens de le connaître. Oh là là là là là là là là, je te jure. Hein. C'est incroyable. Oui, mais non, il faut pas s'en foutre, Elisabeth. Bon, bah alors, Elisabeth, je vais pas te présenter Gabi, tu vas le rendre malade. Bon. Non, mais Gabi était pas content. Ah, en plus, mais il a raison, Gabi. Oui. Bon, toi, il faut mettre une capote, hein, Gabi. Hein. Ouais, mais bon, surtout laquelle, oui, il faut. Ah, bah ouais, il vaut mieux, ouais, parce que là, c'est-à-dire que là, hier soir, elle était en train de. Non, c'était quand ? C'était avec Polo, là, qui est occupé. Bon, bref, Gabi. Oui. Bon, tu prends Elisabeth ou pas ? Ouais, pas de problème, c'est quelqu'un d'autre, Mukel. Pas de problème, moi je pense pas. Oui, bon, c'est pas bien compliqué. Mais... Donc, Gabi, si jamais je la rencontre, promets-lui d'avoir si une capote. Ouais, si t'as Mukel. Pas de problème, Hein ? Pas de problème, pas de problème. Ah, pas de problème, bah écoute, d'accord. Hein. Mais n'oublie pas la capote quand même. Hein. Bon, je te repasse Micha, Gabi. Hein. Est-ce que c'est possible d'avoir un cadeau ? Ça passe. Un cadeau ? Oui, ouais, oui, c'est oui. Déjà Elisabeth, c'est on va t'envoyer cadeau. Des capotes, tiens. Voilà, on va t'envoyer des capotes, c'est parfait ça. Bon, salut, Gabi. Allez, au revoir. Allez, salut, ciao Gabi, bye bye. Ça fait aussi du bien quand ça s'arrête. Hein. Ouais, parce que c'est mouvementé, c'est dur. Tu peux tenter de dire au revoir à Elisabeth. Salut Elisabeth. Hé, Michael, qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Un jeu ? T'envoyer des capotes. C'était pas un jeu, hein ? Ouais, mais je voulais te dire quelque chose, Michael. Vous comme quoi, moi, j'avais lancé, tu sais, une invitation à Micha et à Polo. Vas-y, on fait autre chose. Non, vas-y, Robert. Oui, il y a eu une invitation, effectivement, pour Micha et Polo. Je suis au courant. Mais non, mais je vous invite tous chez moi. Ah oui, non, mais nous, on a piscine. Avec le roux, on lève des haltères tous les jours. Une invitation de 4 pages recto verso, rappelons-le. Oui, c'est vrai. Et attendez, il faut faire les cafés maintenant. Oui, on va aller faire les cafés directement, Elisabeth. Vous allez faire Michael. Tu sais, tu j'ai chaud aller, là, j'ai les gouttes. Tu vas aller faire du café. J'ai l'impression que j'ai couru. On va aller voir Elisabeth si on vient à Grenoble. Il faut que personne nous écoute là. Ah bah t'inquiète pas, t'as chaud, t'as fait la bonne émission là. Attends, écoute-moi, Michael. Ouais. Écoute-moi, tu sais, tu vas faire des cafés. Ouais. Dans le café, tu vas faire pour le serveur ou quoi ? Michael, tu fais des cafés pour l'équipe, je rêve de voir ça depuis 5 ans. Écoute-moi, tu vas mettre du sel. Mais bien sûr, c'est tellement bon du café avec du sel. Du poivre. Bien sûr, encore meilleur. Oui, de la sauce tomate. Pour que personne ne te voie. Hein. Ah oui, ah bah, après, oui, bah, il va mieux. Après, ce que tu fais dans le café, tu fais... Tu mets des crottes de nez dedans. Oh. Et ça mène ça au roux. C'est une bonne idée. Pour le 1er avril. Et après, je vais prendre des cafés. Qui en veut ? Attendez. Et après, quand il y a un qui se lève, quand il y en a un qui est absent, il est au moins le réflexe de prendre la bouteille d'eau et de mouiller la chaise comme ça. Et après, l'autre, quand il revient, il s'assoit et paf, après, donc il a. Tu l'as déjà fait, mais les crottes de nez dans le café à tes amis ? Non, jamais. Bon, Gabi ne va pas chez elle. Hein. Est-ce qu'on veut revenir dans notre dimension ? Oui, c'est bon. Je vais te repasser Michel au standard, Elisabeth. C'est gentil. À côté d'elle, même teuf est normal. Hein. Ah ouais, franchement, ouais. Je veux vraiment que tu la prennes, tu dises au revoir, qu'elle te dise au revoir et que ça s'arrête là. Au revoir, Elisabeth ! Michel, du tabasco ! Putain ! C'est impossible. Tabasco ! Oui ! Au revoir, Elisabeth. Elisabeth, au revoir, Elisabeth. Ça considère comme ça, c'était mignon. Un petit rire, hop, voilà, et l'affaire est pliée. Bon, je vais mettre la pub pour me remettre. Et puis on se fait le. Va chercher des cafés maintenant. Dans un instant. Non. Bien sûr, avec plaisir. Et dans un instant, on se fait le question pour une réponse. On s'enverra également un peu de son. Lady Gaga comme promis avec Beyoncé. Téléphone. C'était le son de Lady Gaga avec Beyoncé à l'instant. C'était Téléphone sur Énergie. On va jouer aux questions pour une réponse. Maintenant avec Steve et avec Thomas. Bonsoir tous les deux. Comment ça va? Ça va. Ça va en pleine forme. Ouais, t'inquiète. Bon, je m'inquiète pas. Bon, parfait. On va donc jouer aux questions pour une réponse. Steve, 17 ans, tu veux jouer avec qui? Très bien. Très bon choix, Steve. Et Thomas, tu veux jouer avec qui? Avec Sandra. Très bien. Je vois bien, vous êtes déçus. Moi, je fais le malin, mais c'est facile quand on a les bonnes réponses. Mais non, ils sont pas déçus, t'inquiète pas. Bon, eh ben, Steve, on va y aller. Thomas, on va y aller. Question pour une... Réponse. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Hello, le soleil. Oui, c'est bon, on a compris. Bon, on y va, donc on va jouer maintenant aux questions pour une réponse. Allez, c'est parti, on y va. Maintenant, vous deux. Première question, Steve, tu joues avec Toff. Thomas, tu joues avec Sandro. Première question. Top, je suis un pays anglophone, mais en même temps une super belle. En gros, je suis un archipel de 700 îles et d'îlots situés dans l'océan Atlantique. Oui. La Nouvelle-Zélande. Non, c'est une mauvaise réponse. Pas vraiment dans l'océan Atlantique, cela dit, mais bon. Je compte près de 307 451 habitants et je suis à 85% peuplé de noirs ou de métis. Le premier pas de Christophe Colomb dans le nouveau monde de le. Oui. Thomas. Toff. Non. Thomas. Thomas, les Bahamas. Non. Les Bahamas, bonne réponse. Bon, il joue avec toi. Il joue avec toi. Ah, bien. Excuse-moi. C'est la merguez. C'est la merguez. Bon, elle a été accomplie sur l'île de San Salvador, située chez moi. C'était pas facile. Hein. Il la nomma San Salvador pour remercier le Christ de l'avoir guidée jusque-là. Je suis située largement au nord de la mer des Caraïbes. Ma capitale est Nassau, située sur l'île de New Providence. Et je suis la destination préférée de Justin Bieber. Je rime avec Dallas, Jan Mas ou encore Pétas. Je suis donc les Bahamas. 700 îles. Ouais, j'aurais jamais cru. C'est dingue. Ouais, des îles, hein. Ouais, mais putain, impressionnant quand même. Ouais, il y a beaucoup, mais bon. Donc, on y va. Deuxième question, 1-0 pour Thomas. Allez, qui ne risque rien n'a rien aussi. Hein. Allez, on y va. Top, je peux faire très mal, car en effet, si on m'énerve, je peux vous venir très fort dans votre gueule. Et croyez-moi... Un bâton? Non, et croyez-moi, mais je suis aussi l'aliment de... Oui. Un élastique? Non, Thomas, Steve, pardon. Un football américain? Non. De pêche? Non. De base de nombreuses sociétés, je suis fabriqué à partir de farine de sel et d'eau lorsqu'on a... Sandro! Thomas. Une crêpe? Non. Sandro, c'était moi. Je sais pas, je crois que c'est Sandro, mais je peux vérifier. C'est bien moi. Sandro? Un pain? Thomas? Allô? Thomas? Toi, t'aurais dit quoi? J'allais dire le pain, mais... Non, c'était du pain. Donc t'aurais dit du pain, je t'aurais accordé parce que comme on ne savait pas trop où ça se passait, mais là en l'occurrence je peux vérifier si vous voulez. C'est la vérification. J'accorde pas le point pour l'instant. On va d'abord vérifier et puis après on va poser la troisième question. Vous êtes prêts? Ouais. Prête. Attention. Top. Je suis né le 16 août 1958 à Bay City dans le Michigan aux États-Unis et je suis une femme active. On peut dire en effet que je suis une chanteuse, mais également auteur, compositeur, productrice de musique et de cinéma, danseuse, actrice, réalisatrice. Oui, je viens de dire la phrase. Je suis surnommée la reine de la pop et en 2006. Thomas. Madonna. Ouais. Madonna, bonne réponse. Bravo Thomas. Victoire écrasante. Le livre Guinness des records me désigne comme chanteuse la mieux payée, la plus riche au monde. Mes ventes d'albums sont estimées à environ 200 millions dans le monde. J'ai sorti des tubes comme Like a Virgin, American Life ou encore Hang Up. Arrêtez de vous approprier Donna, car on sait tous que c'est Madonna à moi. Putain, alors c'est ça de la réponse. Hein. Désolé, j'avais pas d'autre vanne. Et mon vrai nom est moi, Louise Veronica Chicon. Chicon ou Chicon? Je sais plus comment on dit. Je suis donc Madonna. Alors, la rousse au niveau des situations peuvent parfois mener à certaines dérives. Thomas, ouais. Ouais, Thomas, ouais. Et après, c'est Sandro. Après, c'est Sandro. Donc, victoire. Montre. Attends. Vas-y. Alors, attendez. Attends. Non, Thomas, Steve, pardon. Un groupe américain. Dans un dieu. Non. De pêche. Non. De base de nombreuses sociétés, je suis fabriqué à partir de farine de sel et d'eau lorsqu'on a joué. Sandro. Sandro. C'est tough, hein. Ah ouais, c'est tough. De toute façon, on s'en fout, on a gagné. C'est tough, et puis Sandro. Non, on s'en remet trois coups. De farine de sel et d'eau lorsqu'on a deux points. T'as deux points avec celui-là. Hein non, non, non, non, on a trois points. Au total, on a trois. Là, on chipotait. J'en ai un pour l'honneur, donc ça va. On chipotait pour le principe, là. Ouais. Mais voilà, bon, victoire, mais pas écrasante de Thomas, du coup, alors. Bah, c'est pas grave, t'as gagné quand même, c'est Steve, je te remercie d'avoir participé, j'aurais aimé entendre le son de ta voix. Mais... Alors que Thomas, lui, a géré. Hein. Ouais, il a bien géré, ouais, Thomas, n'hésite pas à me choisir encore la prochaine fois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah, en plus, Madonna, je l'avais deux secondes après toi. Et oui, mais deux secondes, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. C'est pas grave, laisse-moi me vanter. Vas-y, Steve. Ouais, donc j'aimerais faire une dédicace à Sonia, Awa, Mariam, ma chérie, Mona et Mohamed, mon frère. Voilà. D'accord, et eh ben le message est passé. Dédicace, moi aussi, vas-y. Alors, dédicace à Lucas. À Morgane, ma chérie, à Sébastien, et je voudrais dire vive le camp, balou, balou! Très bien. La vie de quoi? Je ne sais pas. Bon, salut tous les deux. Le gambadou? Salut. Le gambadou? Ah, le gambadou. C'est quoi? C'est du jambon. Ah, c'est du jambon. Très bien, parfait. Salut Thomas, salut Steve, à bientôt tous les deux. Ciao à vous, bye bye. Bon, ben voilà, bonne chose de faite. On va filer la place, enfin les places maintenant pour All City. On avait lancé le jeu tout à l'heure, et juste après, The POL Show. Alors, quelqu'un qui partira. Allô, Blandine. Allô. Salut Blandine. Salut. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, ça va? Ouais, carrément. Ouais, carrément. Tu sais pourquoi je t'appelle? Pour All City. Eh ben pour All City, tira direction Londres, tout frais payé, en VIP, assister au concert de All City, Blandine. Super sympa, merci. Eh ben avec plaisir, je te fais des gros bisous, Blandine. Tu prends des photos, merci. Tu nous envoies tout ça? Il n'y a pas de problème. Bon, ben j'espère bien. Gros bisous, Blandine. Ciao. Merci, bisous. Allez, je t'embrasse, bye bye. Bon, ben voilà, super. Bah, All City, on le remettra, de toute façon, vous l'entendrez sur NRJ, vous inquiétez pas. Et puis, bah là, c'est l'heure, c'est le moment, c'est l'instant de POLO Show. Ouais, salut, c'est les PZK sur NRJ. Les filles adorent le popo, polo show. C'est de la merde, la grosse merde, polo show. Et ça dure 3 minutes. Bienvenue dans le polo show pour ceux qui ne savent pas qui sont les PZK. C'est un groupe, ils existent toujours ou pas? Oui, parce que je voulais dire que effectivement c'est peut-être de la merde, mais le polo show existe encore aujourd'hui. Le polo show est dans sa quatrième année d'existence. Dur, hein? Non, c'est pas dur, c'est beau. C'est ça un peu qui fait la... Attention, vous savez, il y a un jeu, le signal va bientôt retentir. Et voilà, le signal a retenti. C'est un authentique signal, il n'est pas chimique ni électronique. Vous pouvez appeler pour gagner des cadeaux. Micha va vous noyer dans les cadeaux. On va écouter un peu de pub et on se retrouve juste après pour commencer le polo show. T'éclates tout le monde sur Guitar Hero. Non. T'es le boss de Band Hero. Non. Passe au niveau supérieur. Découvre les joies de manier la baguette. Chef d'orchestre Hero débarque sur Xbox. Reproduit exactement tous les mouvements d'un vrai chef d'orchestre et dirige les plus grands opéras du monde. Évidemment, c'est pas super drôle, mais au moins ça passe le temps. Chef d'orchestre Hero, uniquement sur Xbox. La famille, c'est MP314. C'est l'ordre Cosinus. Ouais, c'est PPG. Pour le show, on est tous en collectif. En direct sur NRJ. Pour le pom-pom-pom-pom. D'ailleurs, je salue Miko et Cartman. Enfin, Miko et Cartman. Et si Miko et Mokhtar. Je pense qu'ils m'écoutent, hein, parce que je sais que Miko est fan de moi. Bah écoutez, les gars, si vous voulez venir parler un peu dans le polo show, vous êtes les bienvenus. Les chroniqueurs. Si vous faire un live dans le polo show, moi je vous ai, je suis ouvert. Hein, moi j'ai tellement de personnes. Ils ont l'habitude des gros dégarnis. Oh. Très bien, très bien. On en est où? On va commencer le polo show. Qui est là? Elisabeth encore, Polo. Ça va, Polo? Coucou, Polo. Ouais, Elisabeth. Alors, voilà. Ça va. Donc, moi, j'ai décidé aujourd'hui. Elisabeth! Ouais, oui. Elisabeth, tu me fais pas tes trucs pornographiques d'hier, hein, parce que je te vis. Non. Et aujourd'hui, bon, on va passer. T'as pris une douche avant ou pas? Mais bien sûr que j'ai pris ma douche et tout. Bon, et puis même, je suis passée même au brossage des dents. J'ai fait 20 minutes de brossage des dents. Elisabeth, avec la brosse, qu'est-ce que tu veux? 20 minutes. Alors, c'est un peu long, 20 minutes. Hein. T'as dû cracher du sang. Je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Ah, moi, je suis en bande de la douche. Alors, voilà. Donc, on va faire le top polo. Tu sais, top polo chef. Hein. Alors donc voilà, non, parce que comme ça, grâce à vous, au moins j'ai appris la recette pour faire du bon café. Et un café, mais vraiment, mais extraordinaire. Extraordinaire. Un très bon café. Alors donc, de toute façon, tout ce qu'on mange, ça zone, on l'a pas. Elisabeth, de toute façon, ouais. C'est quoi la recette du bon café? Alors là, attends, Elisabeth! Oui! Ah! En fait, il me semble ne jamais avoir donné la recette du café à l'antenne. Non! Parce que... Ouais, mais moi, de toute façon, je l'ai donné comment il faut faire. Alors vas-y, je t'écoute. Un bon café, c'est-à-dire, ça s'appelle un café à la Topolo. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on le trouve au Starbucks? Non, enfin. Très bien. Parce que le Starbucks café, c'est le plus dégueulasse des cafés qui existent. Alors, donc, c'est un café. Et après, donc, il faut mettre. Donc, mais comment tu le fais? Un café, ça arrive pas comme ça? Non. C'est-à-dire, tu mets la dosette de café. Ouais. Donc, ça va couler café. Et après, donc, les gens, ils vont soit du sucre. Mais ce qu'il y a, c'est que, il faut mettre dedans, dans le café. C'est-à-dire, à base de poivre. Il faut mettre. 4 cuillères à soupe de poivre dans une tasse. 4 cuillères à soupe de poivre. À soupe, hein. 4 cuillères à soupe de sel. Eh, on n'a pas mieux fait d'aller à la louche? Oui. Ouais, bah oui. Plus, donc, au lieu de mettre du lait, j'ai dit autant mettre du tabasco. Hein, ah, bah oui. Comme ça, c'est punch. Ah ouais. Plus. Et après, la chiasse après, donc, la diarrhée. Non. Ah non, bah oui, après, non. Après, il suffit de faire avec le nez dans la tasse de café, comme ça. Donc, de toute façon, le client, il voit pas. De toute façon, t'es en cuisine, t'es dans ta cuisine et tout. Les invités, ils sont dans le salon. Ils voient pas, de toute façon. Donc, après, donc, bon, tu fais bien. Elisabeth. Et tu sers ça. Elisabeth. Est-ce que vous en avez goûté là? Ah bah je vais faire ça ce soir en Non mais là dans le studio. Non mais on va faire ça. Vatov va être ravi de faire ça. Par contre le tabasco non. Au fait, je voulais vraiment savoir quelque chose. Bah vas-y vite. Voilà, parce que c'est au sujet du caca. Parce que le caca, tu vois, c'est la merde qu'on mange, tu vois. Bon, Elisabeth, ça suffit, je peux pas consommer des trucs comme ça, je vais avoir des problèmes avec la. Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que. Elisabeth, on va se calmer un peu. Non, c'est reviens. Reviens dans deux semaines, parce que là, on va digérer tout ça. Allez, casse-toi, Elisabeth, elle m'a saoulé. Parle de caca. Caca, pourquoi ça pue? Savoir pourquoi ça pue. Alors, qui est là? Bienvenue dans le Polo Show. Allô? Welcome home. Allô? Oui? Oui, bonsoir, Robert, professeur intermittent. Ah, vous êtes de retour, Robert. Oui, je vous ai manqué. C'est le printemps, ça sent la grève. Oui, bah oui, forcément, on va manifester, hein. Pour les professeurs licenciés, c'est normal. Bon, allez-y, on dit Le Pen. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez au courant que le sperme avait des propriétés antidépresseurs. Ah non, je savais pas, non. Oui, seulement chez la femme quand elle avale. D'accord, merci. C'est tout. C'est véridique, c'est une information, hein. C'est pas une théorie que j'avance, c'est une information. D'accord. Et que. Bon, bah merci Robert, c'est tout? Écoutez, vous en voulez une autre? Allez-y. Bon, à chaque rapport sexuel, la baleine éjacule environ 1800 litres de sperme. Oh la violence! Ouais. Voilà. Une autre pour finir. Allez, une autre petite pour finir. Ouais. Écoutez, attendez, laissez-moi réfléchir, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant? Ah oui, 50% des ours polaires femelles ont également un pénis. Ah, et bah dis donc. Eh oui. Bon, bah merci Robert. Mais je vous en prie. Allez, hein, dégage. Et puis on va juste le jingle de fin pour terminer. Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. J'en reviens pas d'Elisabeth et le caca. Et pour terminer ce Polo Show, qui est là? Yo, monsieur. Polo. Ouais, faut pousser là, monsieur. Hein. Je vous écoute. Et il y a quelqu'un qui parle derrière vous, là. Ouais, c'est Denis Do. D'accord. Polo. Oui, monsieur. J'ai envie de faire la rondelle à Elisabeth en même temps avec son caca. Monsieur, ça va pas mieux, hein. Faut vous soigner. Polo. Ouais. Polo. Polo. Ouais. Il est là, Jack. Ouais, il est là. Tout le monde est là. Allez, sauf toi. Attends. Jack, t'es là? Ouais. Oh, Jack! D'accord, c'est pas ça, il veut éjaculer sur sa drap. Polo? Ouais. Il est là, où? Ouais, il est là, ouais. Où? Oui, monsieur. Bonjour, où? Bonjour, monsieur. Ça fait quoi de rencontrer Carrefour? Que vie. Oui, ça fait quoi? Bah, ça fait qu'on va aller en finale. Oui, encore. Ça devient truqué un peu au PSG. Ouais, mais on s'en fout, là. Polo. Ouais. Il est là, Ikaël? Il est là, ouais. Ikaël? Ouais. L'appareil photo rose. Hein? L'appareil photo rose. Quoi, l'appareil photo rose? J'ai vu sur eBay. Ah bah, il faut l'acheter. 5 euros. Oui, bah achetez-le, c'est une affaire. 10. Hein? 10. Bon, monsieur, oui, 10, on va finir sur ça. Quand je suis pas arrivé à la princesse, tu la fermes, ok? C'est qui la princesse? Elle est là, Sandra. Tu veux parler de ce vieux souillon? De cette souillon? C'est moi. Elle est là, Sandra. Ouais, elle est là, elle est là. Ça va, monsieur? Ça va, ma Sandra? Bah, et toi? Tu t'es branlé combien de fois ce soir? Justement, je vais te dire, Sandra. Dis-moi. Eh ben, écoute, alors, pour les fois, j'ai... la gueule encore? Salope. Je préfère devancer maintenant. Et ma rondelle, comment va-t-elle? Putain, si mes voisins entendent, oui, la pub, elle va attendre. Sandra, j'avais deux photos. J'avais les yeux fermés. Ken, et puis t'avais Batata. Non, j'avais... Batata. Ayette, Sandra. Ayette. J'avais Vasatata. Batata. Et j'avais Sada. Et j'ai fait... Je descends, je monte. Et c'est laquelle qui a gagné? Eh ben, je vous ai mis une petite gifle à chacune dans la tronche. Ah, c'est ça. Parce qu'on va conclure comme ça, hein, monsieur R. Non, parce que j'ai pas fini sur toi. Ah oui, allons-y. Polo. Ouais. Il est là, Polo? il est là, Polo? Non, il est pas là. T'as pas envie qu'on t'enfile avec Elisabeth? C'est dégueu. Monsieur, non, merci. T'as pas envie qu'Elisabeth te chie dessus? Non, je... bon, allez, stop. Allez, monsieur, au revoir. Okay, on est parti, monsieur, et au revoir. Et s'achève le Polo Show. Okay, merci à ceux qui l'ont écouté. Et merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas. Et faites comme si ce Polo Show n'avait jamais existé. Exactement. Bon, on revient demain, nous, à partir de 21h. Et on se quitte avec le nouveau son de Slash, guitariste des Guns N' Roses, maintenant, By the Swarm. À demain, tout le monde, 21h. Ciao.